Sur les ondes de CIFU 89 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Bonsoir, ici Mathieu Plante en direct des studios de CIFU à Trois-Rivières. Un autre match, le deuxième de la saison sur nos ondes, ça va dans quelques instants. Ce sera les Aigles contre les Capitales en direct du Stade municipal de Québec. Toujours avec Simon Laliberté, ça s'en vient dans quelques instants. Mais pour l'instant, on écoute de la bonne musique sur nos ondes. Restez avec nous. Direct du Stade municipal de Québec, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières avec Simon Laliberté à la description du match. Toute l'équipe de C'est fou vous souhaite un bon match sur les ondes du 89.1 FM. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce reportage qui vous parvient en direct du Stade municipal de Québec. Ce soir, C'est fou 89.1 FM vous présente le deuxième match de la saison 2016 des Aigles de Trois-Rivières qui, pour l'occasion, se rendent à Québec pour affronter les Capitales. Je me présente, Simon Laliberté, descripteur des matchs des Aigles à l'antenne de CIFU 89.1 FM. Très heureux d'être avec vous ce soir et très heureux également de retrouver mon équipement puisque ceux qui étaient à notre antenne hier ont remarqué qu'on a eu quelques problèmes techniques. J'ai dû faire pour une première fois un match à la radio via téléphone cellulaire et voyez-moi que c'est rien de comparable avec l'équipement qu'on utilise habituellement. Donc ce soir, tout est réglé. On va pouvoir vous offrir un reportage à la hauteur de vos attentes. Les Aigles hier qui ont remporté le match inaugural présenté à Trois-Rivières au compte de 11-3 contre les Capitales. C'était un match à sens unique. Les Aigles qui n'ont laissé aucune chance hier à la troupe de Patrice Calabrini de revenir dans ce match. Et au final, bien les Aigles ont eu une meilleure préparation, beaucoup plus de matchs hors concours que les Capitales, et ça aura paru sur le terrain. J'ai discuté de cette rencontre d'hier avec le gérant des Aigles, Pierre-Luc Laforêt. Donc voici ses commentaires. Pierre-Luc Laforêt, Pierre-Luc, hier, victoire de 11-3. Est-ce que tu t'attendais à un tel résultat face aux Capitales de Québec d'entrée de jeu? Le résultat, non, mais de la manière qu'on a joué, c'est un peu ce qu'on a vu pendant le camp d'entraînement. Donc, de là, à part les points qu'on ne peut pas contrôler, mais les apparitions au bâton, de la manière qu'on a soigné le bâton, qu'on a pris des lancers, j'ai très aimé. Et puis, de là, encore une fois, là, les Matt Rush et les releveurs ont fait une très bonne job. Donc, c'est ce qu'on a vu tous les matchs dans le camp d'entraînement. Donc, le 11-3, j'avais aucune idée, mais de voir que on a commencé en force, c'était beau à voir. Justement, parle-moi un petit peu de Mathieu qui, pour une première fois, n'a pas lancé pendant l'hiver. Est-ce que tu crois que pour cette saison-ci, ça pourrait avoir un gros impact? Ben, on va voir, là, il se sent bien. Hier, il a frappé un mur en cinquième manche. C'est le premier départ de la saison. Il était rendu à 80 lancés. Donc, de là, c'était son pitch count, de toute façon. Donc, il sortait d'une manière ou d'une autre quand on l'a sorti. Et puis, jusqu'à date, il dit qu'il se sent bien. Donc, on va le prendre, là. Un Mathieu en santé, ça va être le fun à voir. Donc, de là, on y va pour son deuxième départ. Il va monter dans les lancers et puis voir si on peut se rendre à 6, ça marche. C'est Bollinger va être sur la butte ce soir. Il a connu du succès par le passé contre Québec. Cet hiver, à l'ancienne Australie, est-ce que tu crois qu'il va connaître une saison à la hauteur de l'an dernier sur le terrain? Bon, on espère. Il a bien lancé, comme tu disais, l'an dernier. Il y a eu quelques départs qui ont eu de la misère, mais à part ça, il y a une très, très bonne saison. On est très fier de ce qu'il a accompli. Et puis, à parler avec Rush, il a l'air en santé. La balle sort bien de sa main. Et puis, de là, on a hâte de voir là, ce qu'il va nous donner aujourd'hui et puis au cours de la saison. En terminant, est-ce que hier, tu t'attendais à ce que les Capitales sortent de façon qu'ils ont été beaucoup d'erreurs, ils ont eu peu de matchs hors concours. Donc ça, même ce soir, c'est un avantage pour vous. Ouais, ben tu sais, c'est difficile quand t'as trois partants qui, on sait que ces Cubains, ils sont pas ici non plus, donc il y a trois de ces partants qui sont pas ici, donc ils jouent ses réservistes un peu, ou les gars qui a rappelé là, pour quelques matchs, donc c'est tout le temps difficile de commencer une saison de même, pas que je m'attendais à ça, mais en même temps, on savait que c'était pas son line-up là, officiel. Merci, bon match. Merci beaucoup. Voilà, c'était les commentaires d'avant-match du gérant des Aigles, Pierre-Luc Laforêt. J'ai également été de l'autre vestiaire, celui de Patrice Calabrini, qui, lui, était passablement déçu de la sortie de ses troupes hier. Donc, voici les commentaires d'avant-match du gérant des Capitales. Patrick, première fois qu'on a la chance de se parler cette année. C'est quoi les attentes des Capitales face à cette saison 2016? Ben c'est dur à évaluer, tu sais. C'est certain que avec le succès qu'on a eu au fil des ans, on veut essayer de recréer ça, on veut de gagner le championnat. Donc c'est un petit message qu'on essaie de passer là, dès jour 1 du camp avec les gars. Ceci dit, on a beaucoup de nouveaux visages, donc on sait pas trop, tu sais, qu'est-ce que certains de ces gars-là vont nous donner en personne. C'est beau. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage Reiki, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutech.org. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. En piste avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voiture routière, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de C'est fou 89.1 FM. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. De retour au stade municipal de Québec pour ce deuxième match de la saison 2016 des Aigles qui affrontent les Capitales ce soir. Et sans plus tarder, allons-y avec les alignements de départ du match. D'abord pour les Aigles, formation du gérant Pierre-Luc Laforêt. Frappant au premier rang, le joueur de votre chair de sang, le numéro 2, Jackson Ruiz. Frappant au deuxième rang, le joueur d'arrêt-court, le numéro 16, Aces Merchant. Frappant au troisième rang, le joueur de troisième but, le numéro 3, Daniel Matteo. Frappant au quatrième rang, sera utilisé comme frappeur désigné ce soir, le numéro 19, Steve Brown. Au cinquième rang, le numéro 11, Sam Judah. Judah, le voltigeur de gauche. Frappant en sixième, sera utilisé derrière le marbre, le numéro 12, Kyle LaFrenz. Au septième rang, hier soir a été utilisé comme frappeur désigné, mais dans le match d'aujourd'hui, sera utilisé comme joueur de premier but, le numéro 15, Joel Carenza. Frappant en huitième, le voltigeur de droite, le numéro 18, Reed Lavallée. Et au neuvième rang, le numéro 29, Delvis Morales. Morales, le joueur de deuxième but. Et sur le but ce soir pour les Aigles, c'est le lanceur gaucher numéro 26, Ryan Bollinger. Voici maintenant l'alignement des Capitales de Québec du gérant Patrick Scalabrini. Frappant en premier, le joueur d'arrêt-court, le numéro 15, Jonathan Malo. Au deuxième rang, le numéro 22, Scott David. David, frappeur désigné. Au troisième rang, le voltigeur de droite, le numéro 41, Marcus Knack. Frappant en quatrième, le numéro 37, Jordan Leonardton. Leonardton, le joueur de premier coussin. Au cinquième rang, le numéro 7, Kalyan Sams. Sams, voltigeur de centre. Frappant en sixième, le voltigeur de gauche, le numéro 92, Trevor Gretzky. Au septième rang, le joueur de troisième but, le numéro 27, Larkin Fontaine. Frappant en huitième, le joueur de deuxième coussin, le numéro 36, Cédric Vallière. Et utilisé derrière le marbre ce soir, le numéro 10, Adam Hurlish. Et sur la butte pour les Capitales, bien c'est l'excellent lanceur droitier québécois numéro 34, Carl Gélina. Pendant que les deux équipes terminent leur échauffement, nous on va se quitter pour une pause et au retour, le début du match. En vous rappelant qu'en direct du stade municipal à Québec, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Venez

les ondes de CIFOU 89.1 FM, vous écoutez le baseball des Aigles de Trois-Rivières. On est tout juste de débuter le match du côté de Québec. Et dès le premier tir, Réaction Norwes a frappé la balle à travers le monticule. Et cette dernière vient à rouler jusqu'au voltigeur de centre, Kalyan Sams. Donc, Réaction Norwes qui amorce le match en force avec un 5. Norwes, très rapide sur les sentiers, devra le regarder du côté de Québec. Et c'est au tour de Merchant de frapper un simple du côté droit qui a percé l'avant-champ. Début de match canon pour les Aigles. Ruiz, un simple à travers le monticule. Et voilà que Merchant, lui, frappe un simple entre le joueur de deuxième coussin et le joueur de premier. Les officiels pour le match de ce soir, l'arbitre au marbre, Ian Kelly. L'officiel au premier coussin, Alex Lowry. Et au troisième, Tim McCaffrey. Les officiels, dans le cas de McCaffrey et de Kelly, qu'on a vu à maintes reprises l'an dernier. Daniel Matteo s'amène maintenant au bâton pour les Aigles. Matteo dans le match d'hier, un coup sûr en 5 avec 2 points produits. Le tir de Gélina, balle frappée du côté gauche. Le voltigeur Gretzky recule et capte la balle pour le premier retrait. Un peu patience côté des Aigles au bâton en ce début de match. Le cas de Matteo, lui, bien, il est le seul à savoir faire retirer. Les joueurs des Aigles ce soir qui portent l'uniforme rouge avec les pantalons gris. Et dans le cas des Capitales, eux, bien, c'est la chemise blanche avec les pantalons blancs. Côté des Aigles, on ne porte pas les mêmes numéros qu'à l'habitude. Donc, Brown, lui, porte le numéro 13, le numéro d'Avier Herrera. Un problème de logistique dans la commande des chandails font en sorte que les Aigles ont dû... changer de numéro pour le match de ce soir. Une balle et aucune prise à Steve Brown. Un retrait. Les Aigles qui ont déjà un courant en position de marquer. Et un total de 2 sur les sentiers. Nous sommes en tout début de match à Québec. Gina accepte. Et le tir. C'est une fausse balle de Brown contre le filet protecteur. Brown hier soir. 2 coups sûrs en 2 avec 2 points marqués. Et également 2 points produits. Une balle et une prise à Brown. Un retrait. C'est de l'intérieur. Jackson Ruiz est en course. Le relais au troisième. Glisse, il la sauf. On a tenté le frappé court du côté des Aigles. Au final, Brown, lui, a fendu l'air. Et Ruiz, bien, ajoute un but volé à sa fiche. Il est maintenant au troisième. Et dans le cas de Merchant, au premier, n'a pas bougé. Coureur aux extrémités. Un retrait. Côté des Capitales, ce soir en défensive, on retrouve Gélina sur la butte. Hurlish derrière le marbre. Lennerton est au premier. Vallière est au deuxième. Fontaine effectue un départ au troisième. Et Marlowe patrouille l'arrêt-court. Le tir de Gélina. Balle expédiée du côté du champ centre gauche. La balle est très loin. On doit reculer tout près de la clôture. Et cette balle tombe en lieu sûr à la piste d'avertissement. Et du troisième, Ruiz vient marquer. Et Merchant termine sa course au troisième. C'est un double et un point produit pour Steve Brown. Et dès le départ, les Aigles prennent les devants 1-0. C'était une balle frappée avec aplomb par Brown directement dans la ligne gauche. Les voltigeurs Gretzky et Sams ont tout tenté, mais cette balle était frappée au point le plus loin qui éloignait les deux voltigeurs. Donc les Aigles qui, comme hier, bien, prennent les devants très tôt dans le match. Et ça se poursuit parce que, comme je le mentionnais, Merchant est au troisième et Brown est au deuxième. Et dans le cas de Merchant, avec un coureur plus rapide sur les sentiers, bien, on aurait peut-être pu tenter un jeu serré au marbre. Mais Merchant est un excellent joueur d'arrêt-court, mais n'est pas un coureur très rapide sur les sentiers. Et pour terminer la présentation des Capitales en défensive, bien... Gretzky est au champ gauche. Sams est au centre. Et Marcus Knack, lui, est au champ droit. Tir de Gillina. Prise sur décision, une deuxième pour Sam Judah. Judah qui porte le numéro 11. Il dispute son deuxième match dans l'uniforme des Aigles. Judah hier 1 en 4 avec un retrait au bâton. Le tir de Gélina, bas et à l'extérieur, c'est une première balle, 1 et 2. Merchant est au troisième. Brown est au deuxième. Un seul retrait, début de match. Les Aigles mènent 1 à 0 sur les Capitales. Lati. Fausse balle qui dévie contre le filet protecteur. Dans le cas de Carl Gélina, le partant pour les Capitales, c'est un lanceur droitier de 6 pieds 4 pouces, 205 livres. Âgé de 32 ans. Un choix de 47e ronde en 2002 par les Angels d'Anaheim. 1 et 2. Cible de Ehrlich à l'extérieur. Et le tir va. Et qui donne contre le sol, mais Ehrlich a très bien maîtrisé le rebond. Et la balle qui a roulé à quelques mètres de lui et aucune chance pour Martin au troisième de s'amener au marbre. L'an dernier pour Gélina à Québec, bien, quelle saison il a connue. 10 victoires, 3 défaites. Moyenne de points mérités à 211. 88 mètres au bâton contre seulement 13 buts sur balle. Donc si les Aigles espèrent recevoir des passes gratuites ce soir pour atteindre les sentiers, devront être extrêmement patients puisque 13 buts sur balle en 111 manches lancées l'an dernier pour Gélina, tout simplement phénoménal comme ratio. Compte complet à Giuda et temps d'arrêt demandé par le frappeur des Aigles. On va être prêt à reprendre. Droitier contre droitier. Le tir. Bas et à l'intérieur. Et voilà le premier but sur balle accordé cette saison par Carl Gélina. Judah a fait preuve de patience puisque il y a quelques minutes, tirait derrière 0 et 2 dans le compte. Et le voilà au premier coussin. Donc les Aigles qui ont les sentis tous occupés avec un seul retrait. Kyle LaFrenz s'amène au bâton pour les Aigles. LaFrenz s'aligne avec les Aigles pour une deuxième saison. Le tir. Prise sur décision. Dans le cas de LaFrenz hier, une très bonne performance au bâton. Deux coups sûrs en trois avec trois points marqués. Le lancer. Rate à l'extérieur, c'est une première balle. Les Aigles qui menacent dès le départ, les sentiers sont tous occupés. Un seul retrait. Très, très bonne foule ce soir du côté du stade municipal. On affiche salle comble, on a vendu tous les billets pour cette partie. De l'intérieur. Et le tir qui rate, c'est une deuxième balle. Déjà, avant hier, plus de 2500 billets avaient trouvé preneur pour ce match d'ouverture. Et lorsque les médias ont annoncé que nul autre que Wayne Gretzky était présent ce soir à Québec, bien, plusieurs milliers d'autres billets ont été vendus. Présentement, encore beaucoup de gens sur la terrasse. Et les estrades sont remplies à pleine capacité. Selon ce que j'ai pu voir sur Twitter, Wayne est bel et bien présent, mais n'accorderait pas d'entrevue aux médias. C'est les dernières informations qu'on a eues présentement. Deux balles et deux prises. Alors LaFrenz, un retrait. Début de match difficile pour Gélina sur la butte. Là-dessus. Balle frappée du côté du champ droit. Knack sous la balle et va capter pour le deuxième retrait. Et on va amener Merchant jusqu'au marbre. Ce sera serré, mais debout. Il touche au marbre et les Aigles, dès le départ, prennent les devants 2-0. C'était un... sans dire un excellent contact de la French. C'était le type de ballon sacrifice parfait pour permettre à Merchant de quitter le troisième et de s'amener jusqu'au marbre. Ça aurait pu être serré, mais la balle qui a manqué de puissance a roulé jusqu'au receveur, ce qui a fait en sorte que Merchant n'a même pas eu besoin de glisser au marbre pour marquer le point. C'est donc un point produit qui s'ajoute à la fiche de la Friends. Et sur la séquence, bien, c'est Brown, lui, est au troisième. Et l'autre coureur sur les sentiers, c'est Judah, lui, est demeuré prudemment au premier. Donc, coureur aux extrémités, deux retraits, avec Joel Carranza au bâton. Carranza, hier, a frappé la longue balle, la première de la saison 2016 des Aigles. Le lancer, balle frappée du côté droit. Carranza a été menotté, mais cette balle va tomber au sol, mais du côté des fausses balles. Oh, ça aurait pu faire très mal au capital. Le tir était haut et à l'intérieur. Carranza s'était lancé, a touché la balle avec le manche de son bâton et cette dernière s'est retrouvée au champ opposé, tout près de la ligne. Mais au final, c'est une deuxième prise qui s'ajoute au tableau. C'est maintenant Gilina qui a le beau jeu. Aucune balle et deux prises, deux retraits à Carranza. En plus de la longue balle, hier, Carranza a ajouté deux autres coups sûrs. Termine 3-4 hier avec deux points produits et deux points marqués. Tir qui rate à l'extérieur, c'est une première balle. On en parlait hier. Les Capitals qui ont disputé un seul match préparatoire cette saison. C'était contre leurs jeunes frères, les Diamants de Québec. Hier, ont affronté les Aigles. Et ça paraît que cette équipe manque de préparation puisque hier, c'était laborieux. Ce soir, bien, vous allez me dire que c'est un petit échantillon, oui, mais un début de match difficile, déjà deux points d'accorder et les Aigles qui menacent. Carranza, frappeur droitier contre le droitier Gélina. Le lancer. Balle frappée avec force du côté du champ gauche, mais Gretzky recule et capte cette balle pour le troisième retrait. C'était un très bon contact de Carranza, mais directement à la position où était frappé Gretzky. Donc, sommaire de cette demi-manche pour les Aigles. 2 points sur 3 coups sûrs, aucune erreur. Et 2 coureurs étaient laissés sur les buts. Après une demi-manche de complétée, les Aigles mènent 2-0. On vous rappelle encore direct du stade municipal de Québec. Vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89. Piste avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de CFOU 89.1 FM. La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, 2 soirées-clubs au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutech.org. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Sur les ondes de CIFOU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Fin de première manche du côté de Québec. Les Aigles qui ont connu un début de match explosif. 2 points dès le départ, 3 coups sûrs. Et ce sera maintenant au tour des Capitales de répliquer. Premier tir à Malo, prise sur décision. Du côté des Aigles, c'est Ryan Bollinger qui est sur la butte, le lanceur gaucher. Bollinger, un gaillard de 6 pieds, 6 pouces, 185 livres. Tire trop bas, c'est une première balle, une et une. Bollinger, âgé de 25 ans, choix de 47e ronde en 2009 par les Follies de Philadelphie. Le lance. Balle frappée par Malo avec aplomb. Et la balle va tomber devant le voltigeur des Aigles. C'est Judah qui n'a pas attaqué cette balle. A préféré demeurer prudent et laisser tomber la balle devant lui. Et c'est un simple pour Jonathan Malo. Son premier coup sûr de la saison 2016. Puisque hier, il a terminé la soirée avec une fiche de 0-4. David, le frappeur désigné de Québec, qui s'amène au bâton. Et pour compléter sur Bollinger, l'an dernier avec les Aigles, il a participé à 127 manches et un tiers, a maintenu une moyenne au bâton de 3,68, terminant avec un dossier de 11 victoires et 7 défaites. Cible de la France à l'extérieur. On tente l'amorti dans le cas de David. Retire son bâton et c'est une prise sur décision. Et pour Bollinger, l'an dernier, 108 retraits au bâton contre 46 buts sur balle. Duel gaucher contre gaucher. Fausse balle du côté gauche. Deuxième prise qui s'ajoute au tableau. Du côté des Aigles, ce soir en défensive, on retrouve Lefrenz derrière le marbre. Carenza est au premier. Morales est au deuxième. Matteo est au troisième. Et Merchant est à l'arrêt court. Et ce côté du champ extérieur, on retrouve de la gauche vers la droite. Et pendant que Bollinger, non! Je croyais qu'il avait épinglé Malo au premier qui, lui, regarde son instructeur. Et il s'est dit, ouais, on l'a eu chaud sur celle-là puisque Malo a figé lorsque Bollinger a voulu remettre la balle au premier. C'est Carenza qui, lui, a échappé la balle. Et cette dernière a roulé très près là, du coussin. Donc pour les Aigles en défensive, au champ extérieur, de la gauche vers la droite, on retrouve Judah, Ruiz dans le centre et Lavallée dans la droite. Et c'est Steve Brown ce soir qui est utilisé comme frappeur désigné. Dans le cas de Brown, on dit qu'il n'est pas à 100% pour le match de ce soir. C'est une des raisons pour laquelle il a quitté le match hier. En cinquième, Brown, à l'entraînement, a subi quelques ennuis, quelques douleurs à son coude. Hier, après qu'il ait frappé un double dans l'allée de droite, bien, il a senti cette douleur, a préféré demander à son gérant de quitter le match. Pendant ce temps, Bollinger va rechercher un premier retrait au bâton cette saison. Scott David est la victime. Retrait sur elle. Donc Brown, bien, il est capable de jouer, va le faire comme frappeur désigné. A connu une très bonne première présence au bâton tout à l'heure avec une claque de 2 buts. Et c'est Ruiz qui va être au centre ce soir et c'est Lavallée qui obtient le départ dans la droite. Et Laforêt, j'en parlais avec lui pendant le camp d'entraînement, est très heureux de pouvoir compter sur cette latitude avec un joueur comme Ruiz. Ce soir, il est au centre. Hier, il était au champ droit. Et c'est un joueur qui est également capable d'évoluer au deuxième coussin. En fait, Ruiz est à la base un joueur d'avant-champ. Le tir à Marcus Snack, le premier, rate bas et à l'intérieur, c'est une balle. Le cas de Marcus Snack hier, 1 coup sûr en 4. Plutôt 2 coups sûrs en 4 avec un coup de circuit et un point produit. Nick est un nouveau venu avec la formation de Québec. Le tir de Bollinger. Balle frappée du côté gauche. Autre fausse balle. Voilà une prise qui s'ajoute au tableau. Marcus Snack, lui, est un choix de 23e ronde en 2008 par les Brewers de Milwaukee. Et deux ans plus tard, en 2010, a été sélectionné en troisième ronde par les Blue Jays. L'an dernier, il s'est aligné au niveau 2A avec les Twins du Minnesota. Tire haut et à l'intérieur, troisième balle. Neck qui a passé les saisons 2013, 2014 et 2015 avec les Twins au niveau 2A et au niveau A fort. Et avant cela, a joué les saisons 2010 à 2012 dans le réseau des Blue Jays de Toronto. But sur balle accordé par Bollinger à Marcus Knack. Et voilà, c'est au tour des Capitals d'installer un coureur en position de marquer dès la première manche. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous souhaite la bienvenue à ce reportage. Deuxième match de cette saison des Aigles. Deuxième match d'une série de 100. La saison qui a débuté hier et qui se terminera le lundi 5 septembre lors de la fête du travail, match en après-midi présenté à Trois-Rivières. Jordan Lennerton est au bâton pour les Capitals. Balle frappée du côté gauche avec aplomb, mais cette balle va terminer sa course sur un véhicule dans le stationnement. Lennerton, c'est probablement l'acquisition que Patrice Calabrini, le gérant des Capitals, est la plus fière. Oui, avec les trois joueurs cubains qui vont s'ajouter au groupe dans les prochains jours, mais Knack vient d'être retiré sur trois reprises et va quitter vers l'abri. Mais Knack, plutôt Lennerton, lui, est un joueur qui va rendre de fiers services au Capital. C'est un gant d'or au premier coussin avec beaucoup de puissance au bâton. Il a même pris le quatrième rang des frappeurs devant Cal Janssen, qui lui s'amène au bâton, utilisé comme cinquième ce soir. Donc jusqu'à maintenant dans cette manche, deux retraits au bâton pour le partant des Aigles, Bollinger, les deux sur élan. Premier tir à Kalyan Sams, prise sur décision. Le cas de Sams hier, un coup sûr en 3 avec deux points produits. Deux coureurs sur les sentiers. Deux retraits, les Aigles mènent 2-0 en première manche. Le tir qui touche le sol, première balle, une et une. Donc les Aigles, comme toutes les autres équipes de la Ligue CANAM, ont un calendrier de 100 matchs devant eux. Et quant à nous, à C'est fou 89.1 FM, 60 matchs de cette saison 2016 seront présentés sur nos ondes. Tir bas et à l'intérieur, très bien bloqué par la France, qui empêche cette balle de rouler très loin derrière. Donc des 60 matchs présentés à notre antenne cet été, 53 ils seront présentés en direct de Trois-Rivières et 7 en direct d'ici à Québec. Deux balles et une prise à Sams. Oh, ça rate très près la zone des prises. Troisième balle. Bollinger qui s'assure de garder son tir bas face à Kalyan Sams. On sait que Sams est capable de faire beaucoup de dommages. Et voilà une quatrième balle. Oui, Bollinger ne veut pas donner le tir dans la zone des prises, ou du moins en plein cœur du marbre, mais a raté de précision. Et voilà que les Capitals ont les sentiers tous occupés avec deux retraits. Et c'est au tour de Trevor Gretzky de s'amener au bâton. Lui a eu toute une ovation pendant la cérémonie d'avant-match ici à Québec. Lui, Gélina et Scalabrini ont reçu les plus belles ovations. Vous avez entendu les partisans ici. C'est ça, tous levés d'un trait. On était convaincus que Gretzky venait de produire un point. Mais on devra recommencer à zéro avec une prise au tableau. Qui s'était lancé sur le premier tir de Bollinger, la balle qui a été frappée au champ opposé, donc vers la gauche. Mais la trajectoire de la balle a déjoué les partisans. Cette dernière a tombé tout près du marbre d'exercice de l'enclos des Aigles. On va prendre. Bollinger accepte, il s'en tient tous occupés. Et le tir. Donc, ça rate, première balle, une et une. Un cas de Gretzky est un choix de 7e ronde en 2011 par les Cubs de Chicago. S'aligné au niveau A l'an dernier dans l'organisation des Dodgers. Ballet soulevé du côté gauche. Au moins, effectue une course et il va capter cette balle pour le troisième retrait. Quel catch de Jackson Owens. Il est demeuré debout, mais il a capté cette balle tout près du champ gauche. Donc, le bas du champ de centre qui a effectué tout un sprint pour capter cette balle. Et au final, les Capitals n'ont pas marqué de points sur un coup sûr, aucune erreur. Et trois coureurs ont été laissés sur les buts. Après une manche de complétée, les Aigles mènent 2-0. Rappelons encore direct du stade municipal à Québec. Vous écoutez le baseball des Aigles à 89. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Samedi 28 mai 21h30, les Divans Bruns sont de retour au Zénob pour vous faire danser. Pour une soirée endiablée au rythme de succès bonbons des années 60 à 80, tout ça joué par cinq amis d'enfance de Trois-Rivières, soyez au Zénob ce samedi 28 mai 21h30 pour les Divans Bruns. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cifou.ca. Assemblage requis aujourd'hui. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici un début de deuxième manche, les Aigles qui mènent 2-0 sur les Capitals. Les frappeurs pour les Aigles dans cette manche seront Reid Lavallée, Delvis Morales, ainsi que Jackson Ruiz. Lavallée frappée par-dessus la tête de Marlowe, de Fralière, pardon, deuxième, et c'est un simple pour Lavallée dès le départ. À l'image de la première manche, Gilina accorde un coup sûr au premier frappeur des Aigles dans les deux premiers tirs. Très bon augure, ça, pour les Aigles. Lavallée est au premier. Très rapide sur les sentiers. Lavallée qui est le plus petit joueur des Aigles en termes de physique. Ah, le physique d'un joueur des Aigles Plan de Sport Junior. Delvis Morales est au bâton. Frappeur gauche. Tente l'amorti à retirer son bâton, voyant le tir beaucoup trop haut. Morales hier, 0 en 4 avec un point produit. Utilisé tout comme hier au 9e rang de l'alignement de Pierre-Luc Laforêt. Quatre coups sûrs pour les Aigles, un seul pour les Capitals. Cible de Ehrlich à l'intérieur, mais on décide plutôt de remettre au premier. Allen Hurton en a tenté de surprendre Reid Lavallée. Lavallée qui effectue, en fait ce soir, c'est son premier départ dans les rangs professionnels. Hier, on l'a vu en action, mais c'était en fin de partie pour permettre à des joueurs de se reposer. En fait, hier, Laforêt voulait un peu voir tout le monde, mais Lavallée n'avait pas obtenu le départ. Il est en course vers le deuxième. Il laisse il est! C'était très serré, Lavallée qui discute avec l'officiel, mais évidemment, il n'aura pas raison. C'était très serré. Le relais de Ehrlich était très haut. Et l'officiel qui a tardé avant de s'amener tout près du but pour appeler la décision. Au final, bien, on a un retrait au tableau. Et Morales, lui, frappe une balle contre le filet protecteur. Une balle et deux prises à Morales. Le lance serait là. Et voilà une troisième prise. C'était très peu convaincant comme élan pour Morales. Et lui, Gélina va chercher un premier retrait au bâton cette saison. Et même si on a seulement un match et une manche disputée, bien la Forêt est quelque peu inquiète des débuts de Morales avec son équipe. On l'a vu en match préparatoire à une reprise. On l'a vu hier au bâton. Très, très peu convaincant, Morales. C'est pourquoi il est utilisé au 9e rang des frappeurs. Il devra démontrer qu'il est indispensable qu'on joue de deuxième but pour qu'il demeure avec l'équipe. Puisque dans le cas de Morales, lorsqu'on regarde son passé, c'est un joueur qui a quand même disputé 29 matchs au niveau 3A. C'était en 2014 avec l'organisation des Dodgers. Il avait maintenu le monobâton à 269. C'est donc dire qu'il est capable de belles choses pendant que Ruiz claque une balle du côté du champ centre-gauche. Et cette balle va être mal jugée par les voltigeurs. Et Ruiz va atteindre le deuxième. Oh, ce qu'il est rapide, Ruiz, sur les sentiers. Et frappe un double après un simple tout à l'heure en première manche. On a très mal jugé la balle du côté des voltigeurs, du côté des capitales. C'est Gretzky et Sands qui se sont fait avoir. Les deux se sont amenés à la balle, mais cette dernière a passé par-dessus leur tête, ce qui permet à Ruiz d'être paisiblement installé au deuxième. Jesus Merchant est au bâton. Frappé un simple et marqué un point jusqu'à maintenant dans ce match. Nous sommes en deuxième manche. Les Aigles mènent par deux. Tir qui rate à l'extérieur, c'est une première balle. Pour poursuivre sur Morales, bien joué au niveau 2A l'an dernier. Il a joué seulement un match, sinon il a passé la majeure partie de la saison au niveau A-fort. Gina accepte. Le tir, la balle frappée avec aplomb par Merchant et c'est Fontaine qui a jonglé avec la balle. Relais au premier, attend pour le troisième retrait. Et comme on l'a vu hier, Merchant lui abandonne rapidement dans ses courses. Lorsqu'il croit qu'il va être battu, bien, il ne se pose pas de questions. Il ne fait pas le deuxième effort. Du côté des Aigles, on n'a pas marqué sur deux coups sûrs, aucune erreur et un coureur a été laissé sur les buts. Après une manche et demie complétée, Trois-Rivières 2, Québec 0. Rappelant qu'en direct du stade municipal, vous écoutez le baseball des oiseaux à Sifu 89.1. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Magasiné à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutec.org. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Fin de deuxième manche à Québec pendant que Fontaine rampe l'avant. Le premier tir de cette manche de Bollinger par-dessus la tête de Carenza, le joueur de premier but. La balle qui roule jusqu'à la vallée au champ droit. c'est un simple pour Fontaine, son premier coup sûr dans l'uniforme des Capitales, puisque hier, la recrue de seulement 20 ans a terminé sa soirée avec une fiche de 0 en 2. Fontaine, hier, qui a connu des débuts très difficiles dans les rangs professionnels, doit cependant lui donner une chance à seulement 20 ans, pourrait encore une fois s'aligner dans le baseball junior québécois pour deux saisons. Un petit peu comme Simon Gravel l'an dernier. Mais ce côté de Scalabrini, la confiance en Fontaine, et c'est certain qu'il a beaucoup de pression sur les épaules. C'est certain qu'il va commettre des erreurs. Hier, il y en a deux à sa fiche. Et lorsque les joueurs cubains des Capitales arriveront, bien Fontaine, lui, sera confié un rôle de réserviste. Pendant qu'on dépose l'amorti, balle saisie par Bollinger qui va remettre au premier à temps à Carenza pour le premier retrait. Retrait qui s'inscrit 3 et 1, mais c'est un amorti sacrifice qu'on va inscrire à l'affiche de Cédric Vallière. Fontaine, lui, avance au deuxième. Et le Québécois Vallière, lui, vient retourner à l'abri avec un amorti sacrifice à sa fiche. Neuvième frappeur de l'alignement des Capitales, Adam Ehrlich, s'amène au bâton. Ehrlich, hier, un coup sûr en 3. Premier tir de Bollinger, prise sur décision. Ce soir, vous avez probablement remarqué que je n'ai pas encore mentionné le nom de Eric Grabe, habituellement utilisé au troisième coussin pour les Aigles. Bien, il n'est pas en uniforme ce soir en raison de... familiale. Donc... sa sœur qui a un mariage dans l'État de Washington ce soir. Donc, il a quitté hier après le match. Il reviendra demain à Trois-Rivières pour le match de demain soir, 18h05 à Trois-Rivières. Donc, c'est Mathéo qui obtient le départ au troisième. Lui, habituellement employé comme joueur de premier but. Et Carenza, lui, qu'on va souvent voir en début de saison comme frappeur désigné, bien obtient le départ au premier but. Une balle et deux prises à Ehrlich, un retrait et le tir. On soulève un très haut ballon tout près du troisième coussin. Et Matteo sous la balle dans le territoire des balles fausses, saisi pour le deuxième retrait. Là, très peu convaincant de Ehrlich avec deux prises contre lui. A voulu défendre son membre. Et au final, rien ne change. Et Fontaine demeure au deuxième avec deux retraits. Mais c'est l'excellent Jonathan Malo qui s'amène au bâton. Allô, hier, 0 en 4, mais dans ce match, a frappé un simple en première manche. Il était tout près de marquer, il était au troisième, mais ses coéquipiers n'ont jamais été capables de le pousser au marbre. Le tir de Bollinger, prise au coin extérieur. Ailleurs, dans la Ligue Can-Am ce soir, du côté de Sussex, les Boulders mènent 7 à 0 sur les Miners. Résultat de fin de troisième manche. Et du côté de Ottawa, là-bas aussi, en fin de troisième, les Jackals du New Jersey mènent 5 à 0 sur les champions. Et hier, lors du premier jour d'activité dans la Ligue Can-Am, les Aigles l'ont emporté 11 à 3 sur Québec. Ottawa, toute fin de match en 9e manche grâce à un circuit de 2 points. 4 à 2 sur le New Jersey. Et les Miners, eux, l'ont emporté 4 à 2 sur les Boulders hier soir. Pendant que la balle est frappée vers Morlaix, ils ont deux vers relais. Et ça permet de mettre en avant les Capitales grâce à une erreur de Morlaix. Marque leur premier point ce soir. Oh, nous sommes. Pierre-Luc Laforêt ne la trouvera pas drôle. J'en parlais tout à l'heure de Morlaix. Devra prouver à l'organisation qu'il est très important dans le diamant défensif. Et là, c'est un jeu de routine. La balle qui a roulé vers lui a voulu remettre au premier en sautant. Le relais qui a touché le sol et Carranza, c'est un jeu très compliqué pour lui. Il n'a jamais été capable de saisir. Grâce à une erreur, Malo atteint le premier coussin. Tire pour Scott David, prise sur décision. Deux autres matchs ce soir ailleurs dans la Ligue Can-Am. Et avec six équipes dans le circuit et aucun match contre l'American Association pendant que la balle est frappée vers Morales qui remet Atta Amerchen au deuxième pour le troisième retrait. Ça a l'air de cette demi-manche pour les Capitales. On a marqué un point sur un coup sûr, une erreur et un coureur délaissé sur les buts. Après deux manches complétées, les Aigles mènent toujours cette fois 2-1. En vous rappelant qu'en direct de Québec, vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89. En piste avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de C'est fou 89.1 FM. La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Ecker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutec.org. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Début de troisième manche, les Aigles qui mènent 2-1 sur les Capitales. Au bâton pour les Aigles dans cette manche, on verra Matteo, Brown et Judah, les frappeurs 3, 4 et 5. Le cas de Matteo a été retiré sur un ballon au champ gauche en première manche. Le tir de Gélina. Balle frappée avec force de Matteo, mais la balle termine dans l'entour des Capitales du côté droit. Très, très beau stade ici à Québec. Bâti en même année que celui à Trois-Rivières, soit en 1938, sous l'ère de Maurice Duplessis. En 2009, la ville de Trois-Rivières, elle, avait rénové son stade au coût de 9 millions de dollars. Ici à Québec, c'est encore des bancs en métal avec les bancs de bois dans l'admission générale. Et ce côté de Trois-Rivières, comme vous le savez, c'est tous des nouveaux bancs. Pendant que la balle est frappée du côté de Malo, la course saisie. Et remet à temps Alan Hurton au premier pour le premier retrait. Matteo est retiré sur un relais qui s'inscrit 6 et 3. Mais quelle belle vue ici à Québec. Au champ gauche, on aperçoit les buildings du centre-ville de Québec avec un terrain de tennis du côté du champ droit. C'est le parc Victoria avec terrain de soccer et skatepark et surface de deck hockey. Tir de Gélina à Steve Brown. Trop haut, c'est une balle. Brown et Gélina sont des personnes qui se connaissent très bien puisque Brown a déjà évolué avec les Capitales avant de s'amener à Trois-Rivières pendant que la balle est frappée du côté gauche. Elle est très loin à la piste d'avertissement. La balle, elle est sur la lune. Et à quel point que cette balle était loin, j'ai hésité avant de mentionner le circuit parce qu'on a complètement perdu la balle de vue ici. La balle qui termine sa course sur le terrain de tennis, justement du côté gauche. Et Steve Brown, il n'a pas manqué son coup. Quelle frappe du Colombien des Aigles. Et voilà que Trois-Rivières prend les devants par deux. C'est maintenant 3-1 la marque. On a entendu un silence complet au stade municipal. Oh, ce que cette balle était frappée en hauteur et en puissance. Dans le cas de Brown, c'est déjà son deuxième circuit de la saison. tapé la longue balle hier. Il frappe donc un circuit face à son ancien coéquipier. Brown qui a joué à Québec en 2012. Et par la suite, s'est amené avec les Aigles lors de la première année de l'équipe en 2013. Seulement Brown et Leblanc, avec les instructeurs Laforêt et Poulain, sont avec l'équipe depuis les tout débuts. Caleb Brown, l'an dernier, a frappé 12 circuits. On a maintenant deux cette saison, comme que je le mentionne. Aucune balle et deux prises contre Sam Judah. Fanlert, troisième prise. Un deuxième retrait au bâton dans ce match pour le partant Gélinas. Pour terminer la petite visite virtuelle du stade municipal, et on a une terrasse également du côté de la ligne du troisième but, tout près de l'enclos des releveurs de l'équipe visiteuse. Très belle terrasse avec un petit cachet particulier du côté de Québec. Pendant que la balle est frappée du côté gauche par Merchant, saisi par Fontaine, effectue un relais au premier à temps pour le troisième retrait. Retrait qui s'inscrit 5 et 3. Les Aigles dans cette manche ont marqué un point grâce à la longue balle de Steve Brown sur un coup sûr, aucune erreur et personne n'a été laissé sur les buts. Après deux manches et demie de complétées, les Aigles mènent 3 à 1. On vous rappelle encore direct du stade municipal. Vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89.1. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Ecker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées clubs au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutec.org. Sur les ondes de CIFOU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Fin de troisième manche à Québec, les Aigles qui mènent 3 à 1 sur les Capitales. Oh, l'équipe locale verra au bâton dans cette manche. Marcus Knack, Jordan Lennerton et Calgan Sams, les frappeurs 3, 4 et 5. Premier tir à Knack, c'est une balle, le tir est à l'extérieur. Ce dernier a atteint les sentiers en première manche sur une passe gratuite. Soulève maintenant un très haut ballon qui va terminer sa course dans le stationnement du côté droit. Cette série de 4 matchs aller-retour se poursuivra demain du côté de Trois-Rivières. Donc le match hier était à Trois-Rivières, victoire des Aigles 11 à 3. Ce soir, c'est à Québec. Demain, la série revient dans la Cité La Violette. Match présenté, notez bien l'heure, à 18h05. Donc tous les matchs cette saison à domicile le samedi seront à 18h05. Les autres matchs en semaine à 19h05 et les matchs le dimanche à 13h05. Donc demain soir, 18h05, le match entre les Capitales et les Aigles. C'est fou. 89.1 vous présentera ce match à compter de 17h55 pour l'émission d'avant-match. Pendant que Bollinger va chercher un très gros retrait au bâton face à Marcus Knack. Complètement figé du frappeur des Capitales. On voit que Bollinger va chercher un troisième retrait au bâton dans ce match. Le premier sur décision. Demain soir, au stade Fernand Bédard, ce sera la soirée hommage aux champions présentée par Antirouille Métropolitain. On déroulera la bannière des champions du championnat de la saison 2015. Les joueurs de l'édition 2015 présents recevront également leur balle pendant que Lennerton frappe la balle du côté droit. Très longue course de la vallée, ça mène dans l'enclos, mais cette balle donne contre le monticule d'exercice. Impossible pour le voltigeur de droite des Aigles de capter. Donc, remise des bagues demain également avant le match. Et les 2500 premiers amateurs à se présenter au stade demain soir recevront un magazine relatant les plus beaux moments de cette conquête 2015. Avec des textes de nos collègues Louis-Simon Gauthier, Nicolas Ducharme et Vincent Gauthier du Nouvelliste. Une balle et une prise à Lennerton. Cette fois, frappe une fausse balle du côté gauche. Demain soir, on attend une très bonne foule au stade Fernand Bédard. Donc, on suggère à tous les amateurs d'arriver le plus tôt possible pour éviter les files d'attente. Et même cette saison, l'organisation des Aigles a mis disponible des billets électroniques pour les amateurs. Donc, c'est possible de se procurer ces billets à l'avance, éviter les files au stade et soit imprimer son billet ou présenter le téléphone cellulaire à l'entrée pour qu'il puisse, pour que le billet soit bon. Donc, les gens à l'entrée vont, comme on dit, scanner le billet ou le téléphone pour que la personne soit admise au stade. Donc, notez bien ça, le billet électronique. La meilleure façon d'éviter les files d'attente du côté du stade Fernand Bédard. Et pendant ce temps, bien, Lennerton a frappé un simple entre Matteo et Merchant, entre le joueur de troisième but et d'arrêt court. Pour Lennerton, c'est son premier coup sûr de la soirée. Il avait été retiré sur trois prises en première manche. Et c'est maintenant Kalyan Sams qui s'amène au bâton, le frappeur droitier numéro 7 de Québec. Ballinger remet au premier, lance un avertissement à Lennerton. Ballinger accepte le signal et le tir rate à l'intérieur. C'est une première balle, une et une. Alcon Lennerton vient. On ne doit pas trop s'inquiéter du côté des Aigles lorsqu'il est sur les sentiers, puisque en termes de valeur de but, ce n'est pas celui qui en a le plus. Pendant que la balle est frappée par Sam, contre la clôture du champ centre gauche. Et facilement, c'est un double pour Kalyan Sams. Oh, que cette balle a été frappée avec aplomb directement contre la clôture dans l'allée de gauche. Aucune chance pour les voltigeurs et les capitales avec un seul retrait, menace avec deux coureurs en position de marquer. Donc, Lennerton est au troisième, Sams est au deuxième. Donc, pour terminer là, pour Lennerton, je regarde ses statistiques et il n'a pas volé un but depuis 2013. Seulement 6 buts volés en carrière chez les professionnels depuis 2008. Tir de Ballinger à Gretzky, prise sur elle. En première manche, Gretzky, s'était amené au bâton avec les sentiers tous occupés. Avait frappé une flèche vers le joueur de centre, c'était Ruiz. Et c'est le même type de frappe, mais cette balle, cette fois, elle va tomber en lieu. Et du troisième, on vient marquer. Même chose pour Kalyan Sams. Et soudainement, c'est l'égalité à Québec, c'est 3-3. Bonne claque de Gretzky. C'était pratiquement le même contact que tout à l'heure, mais cette fois, elle était hors de portée des deux voltigeurs au point le plus éloigné des deux à la clôture. Et voilà qu'on a un nouveau match. C'est maintenant 3-3. Nous sommes en fin de troisième. Quelle claque importante de Gretzky qui fait ça sous les yeux de son papa Wayne, présent dans les gradins. C'est un double et deux points produits pour Gretzky. Ses deux premiers points produits dans l'uniforme de Québec. Bien, il les aura réussis devant un stade municipal rempli à pleine capacité. Aucune balle et une prise à Larchin Fontaine. S'élance, la balle est frappée vers Merchant à l'Areco qui saisit. Regarde au troisième, mais préfère le relais au premier. Attend pour le deuxième retrait. Retrait qui s'inscrit 6-3. et qui permet à Gretzky d'avancer au troisième. Le Québécois Cédric Vallière se présente au bâton. Avait déposé l'amorti sacrifice en deuxième. Il a la chance de donner l'avance pour une première fois dans cette série au Capital. Premier tir de Bollinger, trop bas, c'est une balle. Vallière, qui avait annoncé sa retraite du baseball il y a quelques semaines, mais avec l'histoire des Cubains à Québec, le fait qu'ils ne se sont pas encore présentés ici, il fait en sorte que Vallière vient remet l'uniforme des Capitales pour quelques matchs. Et lorsque les Cubains vont arriver, bien, se retirera de l'équipe et ira poursuivre ses études, nous a-t-on dit avant le match. Donc Vallière a joué la saison dernière avec les Capitales. Et même si il n'aurait pas pris sa retraite, bien je crois qu'il aurait été écarté de l'équation, puisqu'avec trois Cubains qui vont s'amener, Scalabrini aura des choix à faire dans les prochains jours. Donc c'est quelques matchs contre les Aigles, celui d'hier, celui de ce soir et probablement celui de demain vont peut-être lui donner quelques indications sur ses choix à faire dans les prochains jours. Tir qui rentre à l'intérieur, compte complet maintenant à Vallière avec deux retraits. En 5. Troisième brise! La balle cassante qui a complètement déjoué Vallière. Et les Aigles s'en tirent bien. On a accordé deux points sur trois coups sûrs, aucune erreur et un coureur a été laissé sur les buts. Après trois manches de complété, c'est l'égalité 3-3. On vous rappelle qu'en direct du stade municipal à Québec, vous écoutez le baseball des Aigles à Cifou 89. Vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Mardi de la relève, le plus grand concours de Ben Live entre Montréal et Québec en est à sa 19e édition. Mardi 24 mai, grande finale. Les Mardis de la relève au Gambrinus, une réalisation des productions Joshua. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Début de quatrième manche, les Aigles et les Capitales sont présentement nez à nez 3-3. Les Aigles ont marqué deux points en première manche et un autre en troisième pendant que Carranza frappe la balle du côté gauche. Cette balle va rouler jusqu'à la clôture. Il contourne le premier et facilement, il atteint le deuxième. Encore une fois, pour une troisième manche sur les quatre disputées présentement, Julina a accordé un long coup sûr dès le premier ou le deuxième tir. C'est une balle frappée par Carranza du côté gauche, donc de son côté. La balle qui a roulé jusqu'à la clôture et voilà que Carranza claque un double. Et si un joueur connaît un début de saison fracassant, oui, il y a Steve Brown avec deux longues balles et un double, mais on doit également revenir Carranza qui a frappé lui aussi la longue balle hier. Et quelques coups sûrs et le double d'aujourd'hui.

Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez le baseball des aigles de Trois-Rivières. Retour au stade municipal. Désolé pour ce petit problème technique. Donc, les aigles ont marqué un point. Carranza qui a croisé le marbre. Et Ruiz, en fait, c'est grâce à un amorti de Ruiz que Carranza du troisième est venu marquer, que ce dernier a été sauf au premier. Et ce dernier tente même le vol de but du troisième. Mais c'est une fausse balle de Merchant. Donc, on devra reprendre avec un compte de 3 balles, 2 prises et 2 retraits. Donc, pour répéter, Carranza est au troisième. Ruiz au bâton a déposé l'amorti. Carranza a marqué. Ruiz a été sauf au premier. A par la suite volé le deuxième coussin. Et nous voilà avec un compte de 3 et 2 à Merchant, 2 retraits. Début de quatrième, les aigles amènent 4 à 3. Balle frappée par Merchant du côté gauche, saisie par Malo. Remet au premier, attend. Alain Merchant pour le troisième retrait. Retrait qui s'inscrit 6 et 3. Les aigles ont tout de même marqué un point sur deux coups sûrs, aucune erreur et un coureur a été laissé sur les buts. Après trois manches et demie de compléter, les aigles mènent 4 à 3. En rappelant que vous écoutez le baseball des aigles à CIFU 89. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Samedi 28 mai, 21h30, les Divans Bruns sont de retour aux Innobles pour vous faire danser. Pour une soirée endiablée au rythme de succès bonbons des années 60 à 80, tout ça joué par 5 amis d'enfance de Trois-Rivières, soyez au Zénob ce samedi 28 mai 21h30 pour les Divans Bruns. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cifou.ca. Assemblage requis aujourd'hui. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des aigles de Trois-Rivières. De quatrième manche, les aigles qui ont repris les devants 4 à 3. Les aigles qui ont marqué deux points en première, un autre en troisième et vient tout juste d'en ajouter un en quatrième. Et pour Québec, un en deuxième et deux en troisième manche. Premier tir de cette manche de Bollinger est une prise sur décision. Bollinger affrontera les frappeurs 9, 1 et 2, soit Ehrlich, Malo et David. Voilà notre deuxième prise de cette fois sur Elan. Un risque qui a complètement mordu ce tir à l'extérieur de Bollinger. Un risque, j'en parlais hier. Nouveau receveur du côté des Capitales de Québec. Frappe la balle avec aplomb du côté du champ centre, mais très bon départ de Ruiz qui capte cette balle pour le premier retrait. Très bon contact, mais Ruiz couvre beaucoup, beaucoup de territoire au champ centre. On adore Steve Brown à Trois-Rivières, c'est son poste. Mais c'est rassurant de voir qu'on a un joueur comme Ruiz qui est capable de pallier à la perte de Steve Brown si jamais il se blesse ou il arrive quelque chose, puisque j'en parlais tout à l'heure, ennuyé par une légère blessure à un coude, employé comme frappeur désigné quand même. On ne veut pas trop prendre de chance. Et avec Ruiz en pleine forme de la sorte, c'est très rassurant. Malo est maintenant au bâton. Aucune balle, une prise, un retrait. Tire. Touche la zone des prises. Ça semblait bas. Malo qui discute avec l'officiel, mais c'est tout de même une deuxième prise. Tir de Bollinger. Oh, c'était prêt, mais on appelle une première balle. Et voilà, troisième prise, serait là. Bollinger qui va rechercher un troisième retrait au bâton dans ce match. Et face à Marlo, sans dire que c'est un exploit, c'est quelque chose d'assez important puisqu'on connaît les succès de Marlo ici à Québec. Et lorsque tu es en mesure d'aller chercher un retrait de la sorte face aux Québécois, bien, c'est signe que tu offres une bonne performance. Mais tir à Scott David, prise sur décision. Nous sommes en fin de quatrième, les Aigles mènent par un. Serait là, la balle cassante, deuxième prise. Bollinger effectue à tout coup la balle cassante dans cette manche. Et jusqu'à maintenant, ça porte fruit. Le lancer. Balle frappée qui touche au gant Bollinger. Merchant saisit main nue, mais est incapable de maîtriser la balle. Concours de circonstances qui fait en sorte que c'est un coup sûr, évidemment, qu'on va accorder là-dessus à David. La balle qui a été frappée au sol. Bollinger a tenté de la saisir avec le bout de son gant. Elle a touché au gant, roulé derrière lui. Merchant, le joueur de récours, a attaqué la balle main nue, mais est incapable de la maîtriser pour effectuer le relais. Ailleurs dans la Ligue Can-Am présentement, résultat de cinquième manche, Rockland mène 9-3 sur Sussex. Et du côté de Ottawa, les Jackals mènent 7-1 sur les champions. Résultat de fin de cinquième là-bas. Balle tapée avec aplomb de Marcus Neck. La balle, elle est loin, la prise d'avertissement, elle est frappée de contre la clôture. Et ce sera serré au bord. Le relais, la feuille va touché au courant pour le troisième retrait. Oh, on était convaincu que la balle avait franchi la clôture, mais elle a frappé le haut de la clôture immédiatement. Le joueur de champ gauche des Aigles et Sam Judah a récupéré la balle dans les airs et a remis à l'intercepteur qui lui a remis au marbre pour épingler le coureur. Et résultat des courses, bien, les Capitales marquent aucun point sur un coup sûr, aucune erreur et un coureur a été laissé sur les buts. Après quatre manches de complétées, les Aigles mènent par un. En vous rappelant qu'en direct du stade municipal, vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89 ans. La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Ecker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. Cinq jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutec.org. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Sur les ondes de CIFOU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Nous voici au début de cinquième manche, les Aigles qui mènent 4-3 sur les Capitales. Toujours le partant, Carl Gélinas sur la butte. Et encore une fois, Daniel Matteo lors du deuxième tir de la manche. bien se rend sur les sentiers grâce à un simple qui a percé l'avant-champ du côté droit. L'impression de me répéter, mais 4 des 5 manches des Aigles jusqu'à maintenant, le premier frappeur a atteint les sentiers dès le premier ou le deuxième tir. Et c'est le frappeur désigné ce soir, Steve Brown, qui s'amène au bâton. Brown qui avance match, frappait pour 1000 et frappe toujours pour 1000 puisque hier, deux coups sûrs en deux avec une longue balle. Ce soir, un double et la longue balle jusqu'à maintenant. Premier tir de Gilina, le sait très bien, peut lancer des tirs à l'extérieur face à Brown, mais rate considérablement la cible. Matteo est au premier grâce à son premier coup sûr du match. Et Brown va tenter de poursuivre sa séquence. Cible à l'intérieur. Et le tir contre le filet protecteur. C'est une première prise, une et une. N'oubliez pas le prochain match à domicile des Aigles présenté demain soir, samedi, à 18h05. Match présenté également sur nos zones à compter de 17h55 pour l'émission d'avant-match. Soirée hommage aux champions présentée par Antirouille Métropolitain demain. Donc on déroulera la bannière des champions. Les joueurs vont recevoir leur bague de championnat. Donc toute une soirée à prévoir demain au stade. Pendant que Matteo est en course, on tentait de frapper court. Mais la balle frappée par Brown roule jusqu'à dans l'entlôt des releveurs des Aigles. Une balle et deux prises à Steve Brown. Résultat du côté du stade Fernand Bédard de Trois-Rivières ce soir. On a également un duel Québec-Trois-Rivières, mais du côté de la Ligue de baseball junior élite du Québec. Et les Diamants de Québec mènent 4-3 sur les Aigles. Donc ce soir, deux matchs se déroulent simultanément pour la Coupe Antirouille Métropolitain. Donc la Coupe Antirouille Métropolitain, c'est quoi? C'est les victoires des équipes CANAM de Québec et Trois-Rivières cumulées avec les victoires des équipes juniors de Québec et de Trois-Rivières. Donc, enfin, à la fin de la saison, une ville sera sacrée championne. Jusqu'à maintenant, Trois-Rivières mène 2-0 dans cette Coupe Antirouille Métropolitain. Une victoire hier de l'équipe CANAM et une en début de saison de l'équipe junior. Mais ce soir, les Diamants mènent 4-3 en début de quatrième. Deux balles et deux prises à Brown. On tente de surprendre Matteo, mais mauvais relais de Gilina. La balle qui roule très loin. Matteo va contourner le deuxième et on va le pousser au troisième. Et le relais sera serré. Non, on n'a même pas remis la balle au troisième. Matteo qui avance de 180 pieds en raison d'un mauvais relais de Carl Gilina. Et on va accorder une erreur, une première ce soir au capital. Il va bien sûr au dossier de Carl Gilina. Matteo est en position de marquer. Avec aucun retrait au tableau. Il y a un compte de deux balles et deux prises à Steve Brown. Jusqu'à maintenant, en deux matchs, les Capitales, enfin, en 11 manches de travail, les Capitales ont déjà 5 erreurs à l'affiche. Les choses qui font très mal. Les buts sur balle et les erreurs, c'est la pire chose au baseball. Deux balles et deux prises, cible de Ehrlich à l'extérieur. Et le tir. Et on appelle le troisième prise sur Elaine Brown qui dit sa façon de penser l'officiel et trotte avec son bâton jusqu'à l'abri. Et la défense de Brown, ce tir était, s'il n'était pas à la limite, il était bien prêt. L'officiel a toujours raison et voilà le premier retrait de la manche. Posant frappeur droitier Sam Judah se présente au bâton. Premier tir, balle frappée au champ centre. Voltigeur Sam recule et tout près de la piste d'avertissement saisi pour le deuxième retrait. Mais mission accomplie pour Sam puisqu'il pousse Matteo jusqu'au marbre. Ballon sacrifice et les Aigles mènent 5-3. De points produits pour Judah. Et les Aigles reprennent l'avance de 2 points qu'ils avaient en tout début de match. Donc, mission accomplie. Judah qui a fait du bon travail. On lui demandait le ballon sacrifice. C'est exactement ce qu'il a fait avec un ballon profondément au champ centre. Tyler LaFrenz est au bâton. Personne sur les sentiers. 2 retraits. Tir de Gélina. Rate à l'intérieur. C'est une première balle. Tire, rate. Non, c'est une prise qu'on appelle sur décision. Duel droitier contre droitier. Et le tir. Balle frappée en flèche contre le filet protecteur. Fausse balle et deuxième prise au tableau. Autre résultat dans la Ligue de baseball junior élite du Québec. Laval mène 8 à 1 sur les Orioles de Montréal. Match présenté au Parc Montmorency. Pendant que la Friends fend l'air, troisième prise sur elle. Et sinon, du côté du stade Julien Morin de Quaticook, et l'ABC des moins de 18 ans mène 1 à 0 sur Quaticook. Sommaire de cette demi-manche pour les Aigles, 1 point sur 1 coup sûr, 1 erreur. Et personne n'a été laissé sur les buts. Après 4 manches et demie de complétées, les Aigles mènent 5 à 3. En vous rappelant, en direct du stade municipal, vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89 ans. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à Rock Classic. Rock Classic, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Mardi de la relève, le plus grand concours de Ben Live entre Montréal et Québec en est à sa 19e édition. Mardi 24 mai, grande finale. Les Mardis de la relève au Gambrinus, une réalisation des productions Joshua. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Sur les ondes de CIFOU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Nous voici en début de, plutôt en fin de cinquième manche à Québec. Premier tir de Bollinger prise sur Allen. Lennerton est le premier frappeur, sera suivi de Kalyan Sams et de Trevor Gretzky, les frappeurs 4, 5 et 6. Les Aigles ont marqué des points à toutes les manches, sauf en deuxième. Sur Allen, deuxième prise, le tir haut et à l'intérieur a complètement déjoué Lennerton. Bollinger accepte. Et le tir. Balle frappée du côté droit. Saisi par Morales au deuxième. Bien fait dans son déplacement. Et remet à temps à Carenza au premier pour le premier retrait. Retrait qui s'inscrit 4 et 3. Bien aimé le jeu de pied de Morales sur cette séquence. A dû se déplacer sur sa gauche dans la surface gazonnée derrière lui pour bloquer la balle. Et a habilement remis au premier pour le retrait. Kalyan Sands, l'auteur d'un double en troisième manche, s'amène au bâton. Tir de Bollinger. duel de gaucher contre droitier. Le lancer. Rate à l'extérieur, c'est une deuxième balle. Malheureusement, ce soir, le site de Point Streak, le serveur des statistiques de la Ligue Canam, ne fonctionne pas pour le match ici à Québec. Donc, c'est impossible pour nous de vous mentionner à quel nombre de tirs, par exemple, Bollinger est rendu. Des statistiques parfois très intéressantes à savoir sur la sortie d'un partant. Première visite de la Friends sur la butte. Il ira discuter avec le gaucher. On veut établir une stratégie contre Sams avec deux balles, aucune prise. Il n'y a rien de dangereux pour le moment puisqu'il n'y a personne sur les sentiers. On connaît la puissance de Kalyan Sams. On ne voudrait pas qu'il s'installe en position de marquer avec un retrait. Balle frappée du côté droit, c'est une fausse balle dans le stationnement. Le collègue André Beauchesne du réseau des sports est également annonceur maison des Aigles lorsque l'équipe est à Trois-Rivières. Il est présent ce soir au stade et a publié sur son compte Twitter une photo de nul autre que Wayne Gretzky. Il est ainsi dans les loges derrière le marbre. Regarde à la loupe son fils Trevor Gretzky qui s'aligne dans le baseball indépendant pour une première fois avec les Capitales de Québec. Tout un coup de marketing pour les Capitales pendant que Sams frappe la balle avec force par-dessus la tête de Merchant à l'arrêt court. C'est un simple pour le numéro 7 de Québec. Donc oui, un coup de marketing d'amener Gretzky ici. Et à partir d'aujourd'hui, il devra répondre à l'appel. Hier, Gretzky, justement, c'est lui qui s'amène au bâton. Hier, 0 en 3. A claqué un 2 et produit 2 points en troisième manche ce soir. Un frappeur gaucher. Ne porte pas le numéro 99, mais bien le numéro 92. J'aperçois là, Gretzky dans les gradins. Gretzky père entouré de quelques agents de sécurité pour ne pas se faire harceler pendant le match puisqu'il pourrait facilement signer des autographes pendant toute la rencontre. J'ai très hâte de connaître le chiffre de l'assistance ce soir, mais très, très peu de bancs disponibles. En fait, du côté de l'organisation des Capitales, on nous a mentionné que tous les billets étaient vendus avant ce match. Bollinger remet de nouveau la balle au premier. On veut être certain que Sams ne s'éloigne pas trop du premier coussin. Tir de Bollinger. Balle frappée. C'est un simple après un retrait qui pousse Sams au deuxième. Quelques secondes pour parler de hockey puisque le tournoi de la Coupe Memorial commence ce soir du côté de Red Deer. C'est le match d'ouverture et c'est London qui affronte Red Deer ce soir. L'équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec sera en action demain soir. Donc Brandon contre Rouyn-Noranda demain. Donc ce fameux tournoi à quatre équipes qui a été présenté à Shawinigan en 2012. Les Cataractes ont passé bien près. Il s'est retourné, mais c'est Ruiz qui a jonglé avec la balle. Et s'il aurait maîtrisé cette balle, il aurait eu un jeu serré au marbre. Mais ayant jonglé avec cette dernière, elle a retombé au sol. Sams a facilement marqué le point. Et les Aigles mènent maintenant par un seul point. C'est maintenant 5-4. Sams croise le marbre. Gretzky, lui, est installé au deuxième. Et c'est Fontaine qui a produit ce point. Fontaine, lui, est au premier. Donc, trois coups sûrs dans cette manche pour les Capitales. Et Ça, ça vaut une petite visite de l'instructeur des lanceurs Matthew Rush. Même chose hier. C'était Rush qui était sur la butte et il a frappé un mur en cinquième. Est-ce que Bollinger va être capable de se tirer d'embarras et sauter par-dessus cet obstacle? Ou encore, à l'image de son instructeur hier, va frapper de point, de plein. Mais on dit de plein fouet, Rush hier a connu toute une performance, a accordé 2 points, seulement 4 coups sûrs. Mais en cinquième, c'est un petit peu trop. On a préféré le retirer, et avec raison. Début de saison, tu ne dois pas pousser la note pour tes lanceurs partants. Surtout Rush, qui n'a pas lancé de l'hiver. Contrairement à un Bollinger qui, lui, a lancé de façon régulière cet hiver en Australie. Ruski est au deuxième. Larkin Fontaine est au premier. Un seul retrait et Cédric Vallière au bâton. Premier tir, c'est une prise sur elle. Vallière 0 en 1 dans ce match avec un amorti sacrifice en deuxième. Le lancer. Effleure cette balle qui roule derrière le marbre. Deuxième prise. Évidemment, le meilleur scénario pour les Aigles serait la balle à double jeu. Un jeu qu'on n'a pas effectué encore ce soir du côté de la défensive des Aigles. Un double jeu hier, c'était en toute fin de match. Le lancer, bloqué par LaFrance. Le tir était bas et à l'extérieur, c'est une balle. Le tir. Balle frappée du côté gauche, saisie par Mathéo, qui va remettre au deuxième point. Et au premier, le relais de mort. C'est qui permet à Gretzky de croiser le marbre. Et c'est maintenant l'égalité. 5-5. Quel mauvais relais de Morales au deuxième qui a voulu faire vite. Mathéo avait très bien maîtrisé la balle au troisième. Morales au deuxième l'a saisi, mais a voulu faire très vite. Et remis hors cible au premier. Donc, erreur à Morales. Comme je le mentionnais, c'est Gretzky qui croise le marbre. Deuxième point marqué dans cette manche pour Québec. La carte Fontaine, lui, a été épinglé au deuxième. Premier tir à Adam Hurlish, le 9e frappeur de l'alignement de Scalabrini. Sur élan, c'est une prise. Encore une fois, les Aigles prennent les devants et les Capitales qui reviennent dans le coup, c'est maintenant 5-5. Le tir haut et à l'intérieur, c'est une première balle. Et pour une première fois dans le match, bien les Capitales prennent les devants au chapitre des coups sûrs. On en a maintenant 10 contre 9 pour les Aigles. Le tir de Bollinger rate à l'extérieur, deuxième balle. Du côté de l'enclos des Aigles, on commence à s'activer. C'est Edelson Alvarez qui prend des tirs en compagnie de Simon Gravel. Duel gaucher contre gaucher. Balle frappée contre le sol et roule derrière. Deuxième prise. Alvarez qui n'a pas été utilisé hier en relève. On a préféré utiliser David Leblanc, Dennis Neal et Scott Kuzminski. Avec une avance de 11 à 3, on a donné de l'action un peu tout le monde. Et voilà que Bollinger va chercher un rétro-bâton. Troisième prise sur élan. Hurlish est maintenant 0 en 3 dans cette partie. Mais les Capitales ont tout de même marqué 2 gros points sur 3 coups sûrs, une erreur. Et personne n'a été laissé sur les buts. Après 5 manches de complétées, c'est l'égalité 5-5. En vous rappelant qu'en direct de Québec, vous écoutez le baseball des Aigles à CFO 89.1. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez CFO.ca. Assemblage requis, aujourd'hui. Piste avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voiture routière, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de C'est Fou 89.1 FM. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Le début de la sixième manche à Québec avec une égalité de 5-5. Et un match terminé pour le partant des Capitales, Carl Julina, qui en cinq manches de travail aura accordé 5 points, 9 coups sûrs aux Aigles. Et celui qui prend la relève du côté des Capitales, c'est le lanceur droitier numéro 32, John Fitzsimmons. Fitzsimmons, âgé de 24 ans, a joué quelques matchs, enfin a joué 26 matchs l'an dernier dans l'uniforme de Québec. A maintenu une moyenne au bâton, une moyenne de points mérités à 3.16 avec une fiche de aucune victoire et 3 défaites. Avec un ratio de 51 retrait au bâton contre 27 buts sur balle. Le premier frappeur qu'il aura affronté, bien, c'est un des meilleurs jusqu'à maintenant cette saison pour les Aigles, c'est Joel Carenza. Carenza, dans cette partie, un coup sûr en deux. Hier, la longue balle et un double. Sur élan. Ça, c'est un élan pour la longue balle. Mais il a fendu l'air une et une. Duel droitier contre droitier. Le tir trop bas, deuxième balle. Avant de s'amener à Québec l'an dernier, Fred Simmons a disputé deux saisons au niveau recrue dans l'organisation des Royals de Kansas City, soit en 2013 et 2014, avec Idaho Falls au niveau recrue, comme que je le mentionnais. La maintenue des moyennes de points mérités de 4 et de 5.40. Va lancer un total de 36 manches dans le baseball affilié. Va frapper du côté gauche par Carenza, saisi par Fontaine au troisième. Lance une flèche au premier. Attends pour le premier retrait. Retrait qui s'inscrit 5 et 3. Fontaine beaucoup plus à l'aise au troisième qu'hier. Hier, c'était la pression. Et ce soir, bien, il se tire très bien l'affaire. Vide la vallée maintenant au bâton pour les Aigles. Premier tir trop bas, c'est une balle. La vallée frappé un simple en deuxième manche, avait été par la suite retiré en tentative de vol et avait déposé la mort de sacrifice en quatrième. Cette fois, frappe la balle avec sans force, voilà, pardon, vers Malo qui, après deux bonds, a saisi la balle, effectué le relais au premier pour le deuxième retrait. Retrait qui s'inscrit 6 et 3. Et le neuvième frappeur de l'alignement d'Elvis Morales va s'amener au bâton. Lorsque je regarde sur ma feuille dans le cas de Morales ce soir, c'est difficile. Une erreur et deux lettres K qui indiquent des retraits sur élan. Le tir trop haut, c'est une première balle. Le tir de Fitzsimmons, prise sur décision. Voilà, il est âgé de 25 ans. Originaire de Santiago en République dominicaine. De la ville de Tamboril. Morales a dépassé le membre, a voulu retenir son élan. Mais il était déjà trop tard. Une et deux au tableau. Fitzsimmons est à une seule prise d'effectuer la première demi-manche parfaite en défensive ce soir pour Québec. Et voilà, c'est réussi Morales par là pour la troisième fois ce soir. Et comme que je le mentionne, demi-manche parfaite en défensive pour les Capitales. On se dirige en fin de sixième avec une égalité de 5 à 5. En vous rappelant qu'en direct du stade municipal, vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89. La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Ecker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutech.org. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Sur les ondes de CFOU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici en fin de sixième manche du côté du stade municipal. Match terminé pour Ryan Bollinger. Donc, après cinq manches de travail, il a accordé 5 points et 10 coups sûrs à Québec. Et comme j'en parlais tout à l'heure, c'est Edelson Alvarez qui va prendre sa place sur la butte. Alvarez, lanceur droitier. 6 pieds 3, 165 livres. On nous dit via le site de Baseball Reference. Donc pour Alvarez, il était avec les Aigles l'an dernier. Il a maintenu une moyenne de points mérités à 3,82. De 6 victoires, 2 défaites. Dans un total de 73 manches et maintenu un ratio de 46 retraits au bâton contre 18 buts sur balle. Jonathan Malo est au bâton, donc les frappeurs 1, 2 et 3 de l'alignement vont s'amener au bâton dans cette fin de sixième. Temps d'arrêt demandé par le Québécois. On dit que c'est probablement le dernier tour de piste de Jonathan Malo dans l'uniforme des Capitales cette saison. Et il expédie la balle du côté gauche. C'est un très haut ballon hors ligne. Matteo va tenter de s'amener à la balle. Mais cette dernière termine directement sur la terrasse. Malo qui, comme on dit, est un vieux de la vieille avec les Capitales de Québec. S'aligne avec les Capitales depuis la saison 2012, donc déjà une cinquième saison dans l'uniforme de Québec. Le lancer, rate à l'intérieur, c'est une première balle. Donc, Ken Malo en carrière a disputé 3 saisons pour un total de 74 parties au niveau 3A. C'était dans l'organisation des Mets de New York. En fait, c'est la de 2005 à 2011, Malo a joué dans le baseball affilié dans le réseau des Mets de New York, donc a joué à tous les niveaux. Et il vient d'être atteint par Alvarez sur les huées de la foule, comme vous l'entendez. Alvarez échappe à un tir dès le premier frappeur qui l'affronte. Bien mauvaise façon d'entrer dans le match en plaçant Marlowe sur les sentiers avec aucun retrait. L'an dernier, Marlowe, 11 buts volés. Sa meilleure saison en termes de buts volés, c'était en 2013 avec 27. On tente de le surprendre au premier, a dû glisser sur le ventre, mais au final, ce sera simplement une brassée de lavage qui en résultera. Le tir d'Alvarez rate très loin à l'extérieur. C'est une première balle. Scott David a montré son bâton. On veut déposer l'amorti pour que Marlowe puisse atteindre le deuxième. Dans ce match, David, 0 en 3. Elle a frappé vers Merchant à la course. Saisir Marlowe pour un. Et il a été fauché. Qu'on va appeler obstruction sur le jeu, on dit que non. Donc Morales vient à défense de Marlowe. Morales était directement dans la ligne de course de ce dernier. Donc elle était incapable de remettre au premier pour compléter le double jeu. C'est un retrait qui s'inscrit 6 et 4. C'est un optionnel qu'on va ajouter à la fiche de Scott David. Et la chimie qu'on voyait l'an dernier entre Lopez et Cuevas au milieu de l'avant-champ. Mais entre Merchant et Morales, jusqu'à maintenant, je peux vous dire qu'il n'est pas établi. Mais il ne faut pas peser sur le piton panique trop rapidement. C'est seulement le deuxième match de la saison. Et Lopez et Cuevas l'an dernier, c'était des très bons amis d'enfance. Donc eux se connaissaient très bien. Elle a frappé du côté gauche avec force par Lennerton. À la piste d'avertissement, et cette balle, elle est captée par Sam Giuda. Oh, que cette balle a été frappée avec aplomb, mais une main contre la rampe. Giuda a saisi cette balle pour le deuxième retrait. On était à quelques pieds de prendre les devants par deux points du côté des Capitales. Et on voit Giuda rigoler avec les lanceurs dans l'enclos du côté des Aigles, puisqu'elle est du côté gauche dans le même champ que la balle a été frappée. C'était tout près de la rampe. Lennerton était convaincu. Plutôt, c'est bien Marcus Sneck, pardon, qui était convaincu que cette balle avait franchi la clôture. Balle frappée par Lennerton, justement, et la balle passe par le à l'aise. Oh là là, c'était un jeu de routine. Et ce dernier, eh bien, voit une autre erreur ajoutée à sa fiche. C'est une deuxième ce soir. Le troisième, pardon, pour Morales. Et là, c'est le mal en pire pour Morales. C'était un retrait 4 et 3 de routine à réaliser. C'était un faible roulant. Je dis faible. C'était un roulant pas plus vite qu'un autre, on peut dire. Donc, c'est un jeu de routine. Et ça donne l'opportunité à Cal Janssen de s'amener au bâton avec deux coureurs sur les sentiers. Oh, ça pourrait être un point tournant dans le match si jamais Sams réussit à frapper la balle. David est au deuxième. Lennerton est au premier. Deux retraits, nous sommes en fin de sixième manche à Québec. Égalité de 5 à 5. Le tir bas et à l'intérieur, deuxième balle. Évidemment, Calvaire ne veut pas donner le tir que Sams souhaite recevoir, mais avec deux coureurs sur les sentiers, ça peut être dangereux. Le cercle d'attente, c'est Trevor Gretzky qui connaît un bon match. Sur élan, le tir était haut, mais Sams a fendu l'air. Trois erreurs au tableau pour les Aigles, une seule pour Québec. Le lancer d'Alvarez. Balle frappée faiblement du côté droit. Et cette balle demeure en jeu. Et facilement, Carenza cueille cette balle et touche à son coussin pour le troisième retrait. La balle a touché le bout du bâton de Sams et roulé directement sur la ligne jusqu'au premier coussin. Voilà, le retrait est réalisé. Les Capitales n'ont pas marqué sur aucun coup sûr. Une erreur et deux courants ont été laissés sur les buts. Après six manches complétées, c'est l'égalité 5-5. En vous rappelant qu'en direct de Québec, vous écoutez le baseball des oiseaux à CFOU 89 ans. Vous êtes qui vous vous assumez? Le Mathieu Planchon aussi. Retrouvez la chronique télévisuelle Television, le bloc Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, C'est un fait Tech Edition et d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Planchon avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de C'est Fou 89.1 FM. Sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Le septième manche du côté de Québec. On a droit à une bonne fin de match. C'est l'égalité 5-5 ici. Les Aigles ont marqué deux points en première, un point en troisième, un point en quatrième et un autre point en cinquième. Et du côté des Capitales, un point en deuxième, deux points en troisième, deux points en cinquième. Et nous voilà avec un résultat de 5-5. Si vous venez de vous joindre à nous, je vous souhaite la bienvenue à ce reportage, le deuxième d'une séquence de 60 sur les zones de C'est Fou 89.1 cet été, le radiodiffuseur officiel du baseball des Aigles. Premier tir de Fitzsimmons, Arroez claque la balle, elle fait un haut bond devant Lennerton au premier qui cueille cette balle, touche à son coussin pour le premier retrait. Arroez n'a pas été patient, le tir était à son goût, mais la balle, dès qu'elle a quitté le bâton, a fait un bond au sol et est allée très haut dans les airs. Lennerton a effectué un jeu très facile pour le premier retrait. Jesus Merchant sera le prochain frappeur pour les Aigles. Merchant, un coup sûr en 3 ce soir, un point marqué également. Premier tir de Fitzsimmons du trop haut. C'est une première balle. Heureusement, le radar ne fonctionne pas ce soir du côté de Québec. Le radar pour calculer la vitesse des lancers. C'est des choses qui arrivent en début de saison. On l'a vécu hier du côté de Trois-Rivières. C'est de l'ajustement à faire pour ce long calendrier de 53 matchs, de matchs présentés à la maison. Donc hier du côté de Trois-Rivières, bien, on a eu quelques pépins techniques nous-mêmes à la radio. On a dû faire le match via téléphone cellulaire. Même chose pour la web diffusion sur canadleague.tv. Donc, problème de caméra qui a fait en sorte que c'était pas à la hauteur de ce qu'on est habitué de faire du côté de l'organisation des Aigles en termes de reportage, pendant que Merchant claque un très haut ballon du côté droit, facilement capté par Knack pour le deuxième retrait. Le releveur Fitzsimmons fait très bien depuis son arrivée dans le match en sixième, a tiré jusqu'à maintenant les cinq frappeurs à lui faire face. Aucune balle frappée avec aplomb contre lui. Et c'est maintenant Daniel Matteau qui est au bâton avec deux retraits et personne sur les sentiers. Début de septième manche à Québec. On vous rappelle le prochain match des Aigles demain soir à Trois-Rivières, match présenté à 18h05. Le match sera également à notre antenne à compter de 17h55 pour l'émission d'avant-match. Soirée hommage aux champions présentée par Antirouille Métropolitain demain soir. Plus de 2500 spectateurs sont attendus pour le match de demain. Donc, si vous n'avez pas encore vos billets, bien consultez le site internet des Aigles à www.lesaigletr.com pour vous inscrire pour les billets en ligne. Donc, ça prend quelques minutes. Vous aurez vos billets et vous pourrez même les imprimer ou les garder sur votre téléphone cellulaire pour les présenter à l'accueil demain soir. Donc, on demande aux gens, en fait, si vous voulez éviter les files d'attente, optez pour le billet électronique. Pendant que Matteo claque une fausse balle contre le filet protecteur, deuxième prise, 2 et 2. C'est une sixième saison pour le gérant Scalabrini, la barre des Capitales, une quatrième pour La Forêt du côté des Aigles. Alors que Matteo claque une balle vers Fontaine au troisième, un faible roulant, lance une flèche au premier, attend pour le troisième retrait. Retrait qui s'inscrit 5 et 3. Une deuxième demi-manche parfaite de suite en défensive pour Québec. Et on se dirige en fin de septième avec une égalité de 5 à 5. En rappelant que vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutec.org. Sur les ondes de CIFOU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici en fin de septième manche à Québec, avec une égalité de 5 à 5. Du côté des Capitales, ça mènera au bâton le milieu d'alignement avec Gretzky, Fontaine et Vallière. Les Capitales qui ont raté une très belle chance de prendre les devants pour une première fois cette année à la manche précédente, alors qu'on avait des coureurs pour se marquer, mais Sams a été incapable de les faire marquer. Alvarez débute une deuxième manche en relève sur la butte. Il était venu en relève de Ryan Pollinger, le partant. Cible à l'extérieur. Et le tir demeure, c'est une première balle. Et on entend les partisans scander la longue famille de Trevor Gretzky qui prend la balle en hauteur au champ centre. Et cette balle va être captée pour le premier attrait. C'est Ruiz, le numéro 2, qui a saisi cette balle au champ centre. Résultat ailleurs ce soir dans la Ligue CANAM. Il y a deux autres matchs à l'affiche. Est-il le temps à la page de mon ordinateur de se rafraîchir? Quelques problèmes de connexion Internet présentement, j'en m'en excuse. Premier tir. Le frappeur des Capitales qui est Fontaine sur elle. Fontaine, j'en parlais tout à l'heure, dispute un très bon match en défensive. Et au bâton, bien, connaît beaucoup de succès également ce soir. Un point produit, deux coups sûrs en trois. Et claque la balle en hauteur du côté du champ centre-droit. C'est Ruiz qui se déplace et capte la balle pour le deuxième retrait. Ruiz très mobile au champ extérieur. Lorsque Brown est en uniforme, Brown est en uniforme ce soir, mais utilisé comme frappeur désigné, mais lorsque Brown est utilisé en défensive, Ruiz, il va être utilisé au champ droit. Et jusqu'à maintenant, c'est Judah qui a la confiance de son gérant pour évoluer au champ gauche. Aucune balle et une prise. Et le tir à l'expédient en hauteur du côté de l'entrechamp. Morales recule et va capter cette balle pour le troisième retrait. C'est une première demi-manche parfaite en défensive pour les Aigles ce soir. On se dirige en début de huitième avec une égalité de 5 à 5. En vous rappelant qu'en direct de Québec, vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89.1. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à Rock Classique. Rock Classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Mardi de la relève, le plus grand concours de Ben Live entre Montréal et Québec en est à sa 19e édition. Mardi 24 mai, grande finale. Les Mardis de la relève au Gambrinus, une réalisation des productions Joshua. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Sur les ondes de CIFOU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Début de huitième manche à Québec. Beaucoup plus de suspense qu'hier, puisque hier, les Aigles ont emporté 11 à 3. Mais là, c'est 5 à 5. On aura droit à toute une fin de match ici au stade municipal. Pendant que Fitzsimmons se prépare sur la butte, bien, résultat ailleurs dans la Ligue Canam. New Jersey mène 11 à 1 sur Ottawa en huitième. Et les Boulders de Rockland, eux, mènent 9 à 5 sur Sussex également en début de huitième manche. Brown sera suivi de Judah et de LaFrance au bâton pour les Aigles. Les frappeurs 4, 5 et 6. Premier tir à Brown, trop bas, c'est une balle. Brown dans ce match, 2 en 3. Frappé un double en première et la longue balle en solo en troisième. Va être par repente. Duel droitier contre droitier. Balle frappée avec Brown par-dessus la tête de Malo. Cette balle va tomber en lieu sûr dans l'allée de gauche. C'est un simple, un premier coup sûr contre le releveur Fitzsimmons. C'est terminé dans le match en sixième manche. Après un départ canon, les Aigles ont ralenti lors de la cinquième et sixième manche. Et là, vont tenter de repartir la machine. Donc Brown 3 en 4 jusqu'à maintenant. 5 en 6 jusqu'à maintenant depuis le début de la saison. On a passé très près de surprendre Brown au premier. Brown qui est demeuré debout et tenté de regarder les signaux de Maxime Poulin au troisième, l'instructeur des Aigles. Et a peut-être un problème de yeux, a semblé plisser les yeux. Regardez les sillons, mais en même temps, Fitzsimmons a remis la balle au premier pour tenter l'épingler. Sam Judah est au bâton pour les Aigles. Une balle et aucune prise. Judah, vu son balle en première manche, retiré sur elle en troisième et produit un point grâce à un ballon sacrifice en cinquième. Droitier contre droitier. cible au coin extérieur. Et le tir touche la cible première prise sur elle. Résultat de la... Pardon, résultat dans la Ligue nationale de hockey en ce moment. Nous sommes en deuxième période et les Penguins de Pittsburgh tirent de l'arrière 2-0 face au Lightning de Tampa Bay. Balle frappée du côté gauche par Jourdain. Cette balle va percer l'avant-champ. Les deux joueurs du côté gauche, soit Fontaine et Malo, ont plongé. Et cette balle a passé directement entre les deux joueurs. Et voilà que les Aigles placent deux coureurs sur les sentiers avec aucun retrait au tableau. Très bon coup sûr. Un coup sûr opportun, on peut dire, de Sam Jourdain. Et pour poursuivre le tour d'horizon de la Ligue nationale de hockey. Donc, Tampa Bay mène 2-0 sur Pittsburgh en deuxième période. Les Penguins, eux, qui mènent cette série 2-1. Et du côté de l'Ouest, bien, la série se poursuivra demain soir à San Jose. Match entre les Blues et les Sharks. Les Sharks qui mènent cette série 2-1. On va suivre avec vous ce qui se passe dans les séries, les finales de conférence dans la Ligue nationale de hockey. Pour l'instant, sorti du... L'instructeur des lanceurs, TJ Stanton, va discuter avec, oui, Fitzsimmons, mais va déployer une stratégie défensive pour empêcher les Aigles de marquer un point. Donc, tous les joueurs de l'avant-champ sont sous la butte. L'officiel Kelly va aller se joindre à la fête, va dire à Stanton de retourner à son abri. Donc, tout le monde se replace. Et voyons voir ce que les Aigles vont être capables de faire avec Lafrenz au bâton, aucun retrait. Brown est au deuxième et Jourdain est au premier. Nous sommes en tout début de huitième manche avec une égalité de 5-5. On va être prêt à reprendre. Et le tir. Rate à l'intérieur, c'est une première balle. Et sans grande surprise, la stratégie des Aigles va être de déposer l'amorti pour permettre à Blanc d'atteindre le troisième. La Friends montre son bâton et le tire. Et l'amorti est déposé du côté gauche. Amorti presque parfaite. Et la Friends a été retiré au premier relais. 5-3. Mais c'est un amorti sacrifice qu'on va ajouter à la fiche de la Friends. Et les Aigles ont maintenant deux coureurs en position de marquer avec un seul retrait. Très, très belle amortie de la Friends. Amortie qui a longé la ligne du côté gauche. Et voilà la sortie du gérant Patrick Scalabrini. Ce sera la fin pour Fitzsimmons. C'est un lanceur droitier possible de ma position. De voir l'identité du releveur. Mais chose certaine, nous, on va faire une courte pause pendant ce changement de lanceur en vous rappelant que c'est égalité 5-5 en début de 8e. Vous écoutez le baseball des Aigles à ses coups 89 ans. Vous êtes geek et vous vous assumez? Le Mathieu Planchot aussi. Retrouvez la chronique télévisuelle Television Television, le bloc Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, c'est un fait Tech Edition et d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion, tous les jeudis à 9h30. Avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de C'est Fou 89.1 FM. Sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Continuate, hein? Voici en début de 8e manche au stade municipal, les Aigles et les Capitals sont à égalité 5-5. C'est Sean Ellis Le releveur sur la butte pour les Capitals qui prend des tirs accompagné du receveur Adam Erlich. Donc Fitzsimmons aura fait une séquence en deux temps. Bon travail en sixième et en septième, mais a frappé un mur en huitième. Donc c'est Erlich qui aura la mission de freiner les Aigles. Eux qui ont deux coureurs en position de marquer. Erlich, un releveur droitier de 6 pieds 4 pouces, 226 livres. Un choix de 32e ronde en 2008 des Phillies de Philadelphie. Erlich s'est aligné avec Québec l'an dernier. Dossier de 3 victoires, 4 défaites, une moyenne de points mérités à 3,96. Il a relancé un total de 66 manches et un tiers dans l'uniforme québécois. Erlich, en 2014, évoluait également dans la Ligue Can-Am, mais c'est du côté du New Jersey. Il avait connu une bonne saison avec une moyenne de points mérités à 2,26. Sinon, Erlich a joué un an dans le réseau des Reds de Cincinnati au niveau 2A. C'était en 2013. Sinon, de 2009 à 2011, avait également évolué au niveau indépendant avec quelques équipes, dont les Jackals en 2010. On va être par rapport. Le tir trop bas. C'est une balle. Donc, c'est Joel Carenza qui est au bâton pour les Aigles. John est au troisième. Judah est au deuxième. Les Aigles menacent et pourraient prendre les devants dans les prochaines secondes. Le lancer. Trop haut. C'est une deuxième balle. Deux balles et aucune prise. Défensive rapprochée pour Québec. Carenza fend l'air. C'est une première prise. Et du côté des quatre joueurs de position à l'avant-champ, on a les deux pieds dans le gazon. On veut à tout prix bloquer la balle pour empêcher Brown de marquer. Le lancer serait la deuxième prise. Très bonne balle rapide de Sean Harris. Carenza dans ce match, un coup sûr en trois, frappé un simple en quatrième. Le lancer, fausse balle contre le filet protecteur. On vient tout juste d'annoncer l'assistance au match de ce soir. 4099 spectateurs. Et avec la présence de Wayne Gretzky dans les gradins, je me questionne à savoir si c'est arrangé. Pour le 4099 spectateurs, probablement que oui. Et troisième prise, Carenza Faller. Et ce sera autour de Reed Lavallée de s'emmener au bâton. Et Carenza qui est incapable de faire avancer les coureurs. Et c'est le voiture de droite, Reed Lavallée. Le petit frappeur gaucher qui va s'amener pour tenter d'atteindre les sentiers et permettre à Brown de marquer. Lavallée dans ce match, un coup sûr en deux avec un amorti sacrifice. Le lancer, trop haut, c'est une première balle. Donc dans ce match pour Québec, on aura vu Gélina pendant cinq manches. Fitzsimmons pendant deux manches et un tiers. Et voilà Sean Ellis. Le lancer. Balle frappée du côté droit, saisie par Leonard au premier qui touche à son poussin pour le troisième retrait. Les Aigles sont incapables de marquer le point. Et les Capitals s'en sortent plutôt bien. Les Aigles n'ont pas marqué de point sur deux coups sûrs, aucune erreur et deux coureurs ont été laissés sur les buts. Après sept manches et demie de complétées, c'est toujours l'égalité 5 à 5. En vous rappelant que vous écoutez le baseball des Aigles à Cifou 89. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cifou.ca. Assemblage requis, aujourd'hui. En piste avec avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de C'est Fou 89.1 FM. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension rock classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Sur les ondes de Sifu 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici enfin le huitième manche à Québec. Égalité de 5-5. On a un nouveau releveur sur la butte pour les Aigles. C'est le Québécois Philippe-Alexandre Valiquette. Lanceur gaucher, 6 pieds, 1 pouce, 205 livres. Choix de 7e ronde en 2004 des Reds de Cincinnati. Valiquette, originaire de Montréal, âgé de 29 ans. S'est aligné avec les Aigles l'an dernier. Montré une fiche de aucune victoire, 3 défaites. Avec une moyenne de points mérités de 5.16. Relancé un total de 22 manches et 2 tiers. Avec un total de 21 retraits au bâton contre 10 buts sur balle. Valiquette qui a passé bien près de ne pas revenir avec les Aigles puisque plusieurs équipes du baseball affilié se sont intéressés à lui pendant la saison morte, dont l'organisation des Mets qui a passé très près de le signer. Et Valiquette me racontait que plusieurs, enfin pas plusieurs, mais des recruteurs des Mets vont l'avoir à l'œil en ce début de saison. Et qui sait, va-t-il signer un contrat avec eux très rapidement? On lui souhaite, mais du côté des partisans des Aigles, on aimerait bien sûr le garder avec nous pour la campagne. Les chiffres de l'an dernier, je vous l'accorde, ne sont pas très impressionnants. Mais Valiquette, un gaucher qui possède une balle avec beaucoup de mouvement et une vélocité assez phénoménale, croit être capable cette saison, s'il n'est pas ennuyé par une blessure comme l'an dernier, d'atteindre les 100 000 à l'heure lors de ses tirs. Le lancer serait lent. Si le radar aurait fonctionné ce soir, plutôt si le radar avait fonctionné à Québec ce soir, bien, je pourrais vous mentionner la vitesse de ses tirs, mais de la galerie de presse, je vous confirme que les balles vont à une vitesse assez incroyable. Fausse balle de Hurlish contre le filet protecteur, c'est une deuxième prise, 1 et 2. 11 coups sûrs pour les Aigles, 10 pour les Capitales. 3 erreurs pour Trois-Rivières contre 1 pour Québec. Avant de s'amener avec les Aigles en 2015, Valiquette a effectué un bon séjour au niveau du baseball affilié. Pendant ce temps, Valiquette, 3e prise, serait là. A forcé Hurlish à s'élancer sur un tir très loin à l'extérieur. Et voilà le premier retrait de cette manche. On va revenir avec le haut de l'alignement pour les Capitales au bâton à cette fin du 8e. Valiquette, lui, a joué entre 2005 et 2012 dans ce baseball affilié. Beaucoup d'expérience. Il va tenter de la transmettre aux jeunes joueurs des Aigles cette saison. Et Laforêt a un beau jeu sous la main avec Valiquette et Downing en pleine santé. Mais tu as la chance de les faire lancer en fin de match. Et la balle est faite à Martin dans l'arrêt court. Et Marlowe, lui, va atteindre facilement le premier coup de sang. La balle qui a semblé faire un faux bond devant Merchant. Et on va octroyer une erreur, une quatrième ce soir aux Aigles, cette fois au dossier de Asus Merchant, le joueur d'arrêt court. La deuxième fois dans ce match que Marlowe atteint les sentiers grâce à une erreur. Valiquette en huitième, soit Downing pour la neuvième manche si l'équipe prend les devants ou si la marque est serrée. deux lanceurs avec des balles rapides qui vont à des vitesses assez impressionnantes. Un retrait. Scott David au bâton. Le tir touche la cible. C'est une prise sur décision. David dans ce match. 0 en 3. Il a atteint les sentiers en sixième sur un optionnel. Les quatre acceptent. La balle rapide qui touche le sol, c'est une première balle. Gaucher accepte. Marlow est au premier. Et le tir, voilà une prise sur décision. Parce qu'on va demander à Marlow de voler le deuxième coussin. Avec un retrait, on pourrait tenter d'éviter la balle à double jeu. Cible à l'extérieur. Balle frappée par Merchant qui est saisi à la cour, mais au deuxième point. Et au premier. Attends pour le double jeu. Le voilà, ce premier double jeu ce soir pour les Aigles qui s'inscrivent. 6, 4 et 3. Les Capitales n'ont pas marqué sur aucun coup sûr. Une erreur et personne n'a été laissé sur les buts. On se dirige en 9e avec une égalité de 5 à 5. En rappelant que vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89 ans. Magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Samedi 28 mai 21h30, les Divans Bruns sont de retour aux Innobs pour vous faire danser. Pour une soirée endiablée au rythme de succès bonbons des années 60 à 80, tout ça joué par 5 amis d'enfance de Trois-Rivières, soyez aux Innobs ce samedi 28 mai 21h30 pour les Divans Bruns. Le Innobs, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cfou.ca. Assemblage requis aujourd'hui. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici au début de 9e manche à Québec avec une égalité de 5 à 5 alors que les partisans ici chantent le traditionnel Sweet Caroline. Ils sont, comme que je le mentionnais tout à l'heure, 4099 à scander les fameux So Good, So Good, So Good. Donc voilà, début de 9e, on est prêt à reprendre. Ce sera toute une fin de match qu'on aura droit. Le premier frappeur de cette manche est Delvis Morales. Lui a bien des choses à se faire pardonner ce soir. Trois erreurs en défensive. Et je regarde sa fiche au bâton. Elle parle par elle-même. K, K et K. Donc trois retraits au bâton sur elle. Jill Harris sur elle en deuxième prise. Tir était très très haut de. N'était même pas dans la zone des prises. Pendant que Downing commence à prendre des tirs dans l'enclos. Et c'est Sean Ellis, lui, est de retour en 9e. Venu en relève de Fitzsimmons à la manche précédente. Le tir haut et à l'intérieur, première balle. Morales sera suivi de Ruiz et de Merchant au bâton. Bien jugé, le tir était à l'intérieur, deuxième balle. Deux balles et deux prises. Le tir de Halas. Balle frappée du côté gauche. Et cette balle va tomber en lieu sûr par-dessus la tête du joueur de troisième but. On a joué de chance du côté des Aigles. C'est un très faible contact. Morales qui est un frappeur gaucher. La balle est allée au champ posé et a tombé à l'entrechamp derrière le joueur de troisième but qui lui tentait de saisir la balle d'Omarbe mais est incapable de le faire. C'est un premier coup sûr pour Morales dans l'uniforme des Aigles. Il arrive à un très bon moment. Et on va amener Jackson Ruiz au bâton. Ruiz connaît tout un match 3 en 4 avec un point marqué, un point produit et un but volé. Tente l'amorti, c'est réussi. Erlis va saisir, on laisse à Lennerdon et Ruiz est retiré au premier. Oh, c'était très serré, il y a eu confusion sur le terrain. Ruiz a déposé l'amorti. Erlis a descendu la butte pour aller saisir la balle et il y a eu confusion entre lui et le joueur de premier but, Lennerdon. Les deux se sont regardés finalement. C'est Lennerdon qui a saisi la balle et a remis à Vallière, le joueur de deuxième but, qui était venu couvrir le premier coussin. Mais au final, l'amorti sacrifice est réalisé avec perfection. Donc, Morales est au deuxième et Merchant s'amène au bâton avec un retrait. Si vous venez de nous synthoniser, restez des nôtres, toute une fin de match à prévoir, 5 à 5 en 9e. Premier tir à Merchant, rate à l'extérieur, c'est une balle. Et du même coup, je vous invite au stade demain pour le troisième match de cette série de 4 entre les Capitales et les Aigles. Match présenté à 18h05 demain à Trois-Rivières. Le tir qui rentre à l'extérieur et Morales, lui, va facilement atteindre le troisième. Mauvais tir de Ellis qui a roulé très loin derrière. Et soudainement, les Aigles sont à 90 pieds de prendre les devants dans le match. Le plan est très simple. Merchant doit frapper la balle le plus loin possible du marbre pour permettre à Morales de marquer le point. Donc, la balle doit absolument quitter l'avant-champ. On joue avec une défensive rapprochée du côté de Québec, évidemment. Mathieu Harris va le soulever du côté droit. C'est une longue course pour Lennerton qui va être tout près de la ligne. 4 pour le deuxième retrait. La balle qui était frappée tout près de l'entrechamp derrière le premier coussin. C'était une longue course pour Lennerton, le joueur de premier but, puisqu'il jouait très rapproché. Mais au final, Merchant échoue. Et c'est Daniel Matteo qui va s'amener au bâton avec deux retraits. Matteo, ce soir, un coup sûr en 4. Il a frappé son simple en 5e manche. Un mauvais tir pourrait permettre à Morales de croiser le marbre. Ellis doit faire attention. Balle poussée par Matteo du côté gauche. Un très haut ballon. Gretzky se déplace et va capter sa balle pour le troisième retrait. Les Aigles sont incapables de marquer le point. Donc on dirige en fin de 9e avec une égalité de 5 à 5. En rappelant en direct du stade municipal à Québec, vous écoutez le baseball des Aigles à ses coups 89-1. Génie en liberté, émission d'actualité, d'information et d'opinion tous les jeudis à 9h30. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Maker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées clubs au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutec.org. Sur les ondes de CIFOU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici en fin de 9e manche à Québec. Les Capitales, bien, ils ont l'occasion de clore leur match d'ouverture en beauté, puisqu'avec un seul point, ils pourraient mettre la main sur cette victoire. Et la Forêt fait confiance à K.O.E. Downing pour la 9e manche. Downing, choix de 50e ronde en 2009 par les Giants. Un droitier de 5 pieds, 11 pouces, 180 livres. Downing qui a terminé la dernière saison avec les Aigles, montrant une moyenne de points mérités à 3.41, dossier de 3 victoires et aucune défaite. En 31 manches et 2 tiers l'an dernier, a réalisé 38 retraits au bâton contre 12 buts sur balle. Downing fera face dans cette manche à Marcus Knack, Jordan Leonardon et Kalyan Sams, les frappeurs 3, 4 et 5. Ce ne sera pas de tout repos pour K.O.E. Downing face à ces trois dangereux frappeurs. Un tir de Downing. Rate à l'intérieur, c'est une balle. Dans ce match pour Knack, lui a passé tout près de claquer la longue balle en sixième lors de son dernier tour au bâton, alors que Judah, appuyé contre la rampe, avait saisi cette balle. Fausse balle frappée en flèche du côté droit. Une balle et une prise à Marcus Knack. Deuxième match de cette saison 2016 des Aigles. Hier, les Oiseaux l'ont emporté 11-3 sur Québec. Et les Capitales vont être capables à leur tour de remporter leur match inaugural. Voilà une deuxième prise sur décision. Du côté du stade Fernand Bédard à Trois-Rivières ce soir, les Aigles juniors se sont inclinés 7-6 face aux Diamants de Québec. Une et deux. Le tir. Oh, et à l'extérieur, deuxième balle. Downing a mis toute la gomme sur ce tir, mais a manqué de précision. Sinon, au baseball junior, Laval mène 8-4 sur Montréal en septième. Et l'ABC des moins de 18 ans mène 9-3 sur Quaticook, également en septième manche. Cible au coin extérieur. Et le tir. Troisième prise! C'est là! Downing qui, comme dirait mon collègue Hugues Marcel à côté de moi, lance du gaz ce soir et l'expression est à point puisque c'était toute une balle rapide. Le frappeur s'était lancé quelques secondes en retard. Hugues Marcel qui est mon collègue du côté des Aigles. Si jamais vous ne pouvez pas écouter le match à la radio via le web, bien... Hugues décrit le match en direct via Twitter, le compte officiel des Aigles, à commercial Aigle Canam en un seul mot. Tir de Downing, trop bas, c'est une première balle. C'est maintenant Jordan Leonardon qui est au bâton pour Québec. Lui, un coup sûr en trois dans ce match. Il a également atteint les sentiers en sixième, c'était sur une erreur. Cible au coin extérieur. Et le tir. Trop bas de nouveau, c'est une deuxième balle. Duel droitier contre gaucher présentement. Les Aigles qui doivent éviter de permettre au capital de placer un coureur sur les sentiers puisque ça pourrait devenir très dangereux. Deux balles, aucune prise. Le tir. Fausse balle du côté gauche. Le tir qui tourne la balle, qui touche la frise du toit du stade et revient sur le terrain. Par le passé, les Capitales à la maison, lorsque le match est serré en 9e manche, trouvent souvent le moyen de l'emporter. Surtout face aux Aigles, puisque je suis ici pour le vivre. Mais C'est des choses qui arrivent très fréquemment du côté du stade municipal. Est-ce que ça va se produire ce soir? On va le savoir dans les prochaines minutes. Deux balles et une prise au frappeur serait la deuxième prise. Le tir semblait un petit peu haut, mais Leonardin s'est fait complètement déjouer. 5 à 5, fin de 9e. 12 coups sûrs pour les Aigles, 10 pour Québec. Très longue pause de Downing. Et le tir. La balle qui touche le bâton du frappeur et roule derrière le marbre. L'an dernier, les Aigles sur la route ont maintenu une fiche de 16 victoires contre 26 défaites. C'est à la maison que les Aigles ont connu leur part de succès l'an dernier, 34 victoires contre 20 défaites. Donc, si les Aigles veulent terminer plus haut que le 4e rang comme l'an dernier, bien, ils devront arracher quelques victoires de plus sur les terrains adverses. 2 et 2, un retrait, personne sur les sentiers. Et le tir. Troisième prise serait là. Downing, tout feu, tout flamme jusqu'à maintenant. Mais là, doit faire attention puisque c'est Carl Janssen qui s'amène au bâton. Et une rapide, 98 000 à l'heure, plus un frappeur de puissance. Bien, c'est soit que ça fait une longue balle ou un retour au bâton. Je suis bien à l'habitude. Il n'y a jamais des théories parfaites, mais c'est souvent des choses qui se produisent. Downing accepte le signal de la France. Le tir. Oh, et à l'intérieur, c'est une première balle. L'an dernier, l'affiche des Aigles ici à Québec, 3 victoires et 7 défaites. Et au total, contre les Capitales, 10 victoires contre 11 revers. Le lance, ça touche le bout du gant de la Friends et on appelle une deuxième balle. C'est maintenant 4 à 0 pour le Lightning de Tampa Bay du côté de la Ligue nationale de hockey. La question qu'on se pose présentement, est-ce qu'on va amener Marc-André Fleury devant le filet en troisième? Downing accepte le signal de la France. Et le tir. Rate à l'intérieur, c'est une troisième balle. C'est certain que du côté de Downing, il a le beau jeu. Personne sur les sentiers, on connaît la puissance de Carl Janssen. Et c'est Trevor Gretzky au cercle d'attaque. Gretzky connaît toute une soirée, deux coups sûrs en trois. Mais c'est certain que si on peut se permettre de lancer des tirs à la limite pour Sams et dans le pire des cas, l'obtiendra une passe gratuite. Voilà une quatrième balle. Le tir était aligné avec la marbre un petit peu trop haut. Donc, Gretzky s'amène. Ce serait tout un scénario quand même. Il faut l'avouer, c'est Gretzky pourrait donner la victoire à son équipe devant son paternel Wayne. Qui encourage le nouveau porte-couleur de Québec. On entend les gens scander son nom dans les gradins. Downing accepte le signal de la Friends et le tir. Première balle. La Friends a tout un travail présentement à faire derrière le marbre puisqu'il ne peut pas se permettre d'échapper un tir ou, dans un autre cas, doit réparer les erreurs de Downing si ce dernier manque de précision pour éviter que la balle passe derrière et que Sam s'envole au deuxième. Le lancer touche le coin extérieur. C'est une première prise sur décision. Gretzky qui porte le numéro 92, voltigeur de gauche pour Québec. Downing accepte. Cible encore une fois au coin extérieur. Balle qui touche le bout du bâton de Gretzky et qui touche ensuite à l'épaule du frappeur. C'est donc une fausse balle. Deuxième prise au tableau. Downing est à une seule prise. Envoyer tout le monde en prolongation. Une balle et deux prises à Gretzky. Sam Zeto au premier. 5-5, fin de 9e. Très bon match de baseball ce soir du côté du stade municipal, en plus avec une très belle température. Sam Zeto en course et c'est une fausse balle de Gretzky. Du côté de la Coupe Memorial, présentement, les Knights de London mènent 5-0 sur Red Deer. Et 24-6 les tirs au filet pour les Knights, donc l'équipe hôtesse qui en arrache présentement. Du côté du Québec, c'est Huskies à Rouyn-Noranda qui représentera le circuit Courteau à ce prestigieux tournoi. C'est maintenant 6-0. C'est littéralement un pique-nique offensif du côté de Red Deer pour les Knights. Une balle et deux prises à Gretzky. La foule est soudainement très silencieuse. Donné accepte. Le tir. Sur la troisième prise. Et Downing envoie tout le monde en manche supplémentaire. Et à cette demi-manche, Québec, bien, ils n'ont rien fait. Ils ont seulement obtenu un but sur balle accordé par le releveur des Aigles. Donc, on se dirige en 10e manche en vous rappelant que vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cfou.ca. Assemblage requis, aujourd'hui. Avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de CIFU 89.1 FM. Le vendredi à 11h, entrez dans la dimension classique. En compagnie d'Alain Lefebvre et du Dr. Pendragon, redécouvrez les racines du rock avec les artistes qui l'ont inventé. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles, les Doors, Deep Purple, Gentle Giant, Iron Maiden, Led Zeppelin et Motorhead, ils sont tous à rock classique. Rock classique pour les vrais amateurs de vrai rock, tous les vendredis de 11h à 17h. Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Voici un début de 10e manche à Québec. On n'aurait pas dit ça au début de la soirée. Les Aigles étaient tout feu, tout flamme. Les Capitales qui, à l'image d'hier, avaient de la difficulté. Mais présentement, depuis, je vous dirais, la 5e manche, l'avantage va au Capitales. Donc, égalité de 5-5 pour débuter cette manche de surtemps. Et avant de vous présenter de nouveau au releveur du côté de Québec sur la butte, bien du côté du Raymond Chabot Grant Thornton Stadium à Ottawa. Écoutez bien ça. Les champions ont un point. Contre 16 pour les Jackals, 16-1 New Jersey du côté de Ottawa. Et un autre massacre du côté de Sussex. Bien, les Boulders l'ont emporté 11-5 sur les Miners ce soir. Et ici, c'est la prolongation. Le nouveau releveur pour Québec, c'est Aver Rakar. Sur la butte. Et ça semble inquiétant dans le cas de Steve Brown puisqu'il n'est pas à son poste au bâton présentement. C'est Simon Gravel qui est utilisé comme frappeur désigné. Donc Brown doit être ennuyé par cette fameuse blessure à un coude. Et ça, c'est de très mauvaise augure pour les Aigles. Brown est un vétéran et sans aucun doute l'un des trois meilleurs joueurs de cette équipe. Donc Gravel prend sa place comme frappeur désigné. Gravel, hier, a une apparition au bâton, n'a pas réussi à frapper la balle en lieu sûr. Le lancer. Balle frappée mollement vers le joueur d'Anchan qui est Malo, plutôt le joueur d'Arincourt qui a saisi en mouvement et a remis au premier attrait à Lennerton pour le premier attrait. Attrait qui s'inscrit 6 et 3. Alcool à vire encore. Bien, c'est un Canadien originaire de North York en Ontario. Âgé de 25 ans, lanceur droitier. S'alignait dans le réseau des Cubs de Chicago depuis 2012. A joué niveau recrue à moins à fort triple A. L'instant d'une seule manche. Et au niveau à fort l'an dernier avec la formation de Myrtle Beach. En 45 manches et 2 tiers l'an dernier, il a maintenu une moyenne de 2,96. Sa moyenne de points mérités. Raccord s'amène pour une première fois avec l'uniforme blanc, rayé bleu des Capitales sur la butte. Sam Judet au bâton maintenant pour les Aigles. Le tir de raccord. Touche le coin extérieur, c'est une prise sur décision. Judet au bâton. Et LaFrenz est au cercle d'attente. Le tir qui touche le sol. Deuxième balle. Du côté de l'enclos chez les Aigles, David Leblanc prend des tirs en ce moment avec un receveur substitut. Et pour l'instant, j'aimerais bien vous dire qui est ce receveur substitut, mais LaFrenz est au cercle d'attente. Gravel vient d'être retiré au bâton. Et Reed Lavallée vient essayer le voltigeur de droite. Donc c'est probablement un lanceur qui enfile présentement le casque de receveur et porte le coton ouaté des Aigles. Donc impossible de dire son numéro. Pour l'instant, la balle est frappée du côté droit par Judah. Très haut ballon, capté par Mac, le voltigeur de droite pour le deuxième retrait. Deux retraits. Et Kyle LaFrenz va se présenter au bâton. LaFrenz ce soir, frappé un coup sûr, a produit un point grâce à un ballon sacrifice en cinquième et a atteint les sentiers en première grâce à un but sur balle. Le tir de raccord, trop bas, c'est une première balle. Les deux équipes s'affronteront à 20 reprises cette saison. Ce soir, c'est le deuxième duel. Balle frappée du côté gauche par LaFrenz. Cette balle va percer l'avant-champ. La balle qui a passé à la hauteur des yeux entre le joueur de troisième but et le joueur d'arrêt-court. C'est un simple après deux retraits pour LaFrenz. Joel Carranza va se présenter au bâton. Carranza, on se plaît à dire du côté de l'organisation des Aigles qu'il est une recrue de luxe et avec raison. Parce que Carranza joue quand même au baseball professionnel depuis 2012 et encore aujourd'hui en 2016, il est considéré comme une recrue en raison de son nombre d'apparitions au bâton en carrière. Tir de raccord rate à l'extérieur, c'est une première balle. Dans ce match pour Carranza, un coup sûr en quatre. Le lance. Balle frappée avec hauteur du côté du champ centre. Sam recule. Tout près de la piste d'avertissement. Et va capter pour le troisième retrait. Oh, ça c'était directement au champ centre à la piste d'avertissement. Les partisans des Capitales ont eu chaud. Mais ces derniers auront la chance de l'emporter en fin de dixième puisque c'est toujours l'égalité de 5 à 5. En vous rappelant que vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89.1. En piste avec Tania Baudin est de retour pour la saison estivale. Une heure complète à discuter sport automobile, voitures routières, pour des entrevues et le suivi de différentes séries de courses. C'est les mercredis 14h à l'antenne de CFOU 89.1 FM. La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Ecker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutec.org. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Sur les ondes de CIFU 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Nous voici en fin de 10e manche du côté du stade municipal à Québec. On a vu Valiquette en 8e, Downing en 9e et La Forêt fera confiance à David Leblanc sur la butte dans cette première manche supplémentaire. Donc, dans le cas de David Leblanc, on l'a vu hier sur la butte. On le revoit ce soir, donc Leblanc qui, l'an dernier, on va rappeler ses statistiques de l'an dernier, 3.95, sa moyenne de points mérités. A lancé 43 manches et un tiers. Fiche de 1 victoire et de 2 défaites. Leblanc, dans cette manche, affrontera le bas d'alignement pour les capitales, donc les frappeurs 7, 8 et 9. Fontaine, Vallière et Ehrlich vont s'amener au bâton. À moins, bien sûr, que Scalabrini effectue des changements de dernière seconde. Mais c'est bel et bien Fontaine, le jeune de 20 ans, qui s'amène au bâton. Fontaine, dans ce match, 2 coups sûrs en 4 avec un point produit. Leblanc s'installe sur la butte. Duel droitier contre gaucher. Et le tir. Prise sur décision. Leblanc, on se rappelle de lui avec sa motion particulière. Elle lance un petit peu de côté. Leblanc est à une 4e saison avec les Aigles. Fausse balle du côté droit. 2e prise au tableau pour Fontaine. Je vous rappelle la défaite des Aigles juniors ce soir. 7-6 contre Québec. Match présenté à Trois-Rivières. Malik Canham. Bien. Yeah. Aux dernières nouvelles, c'était 16-1 pour le New Jersey sur Ottawa. Au terme de cette séquence de 4 matchs contre Québec qui va se terminer ici dimanche après-midi, les Aigles vont recevoir la visite des Miners de Sussex mardi, mercredi et jeudi prochain au stade Fernand Bédard. Et par la suite, les Aigles vont prendre la route des États-Unis pour 2 séries face à des équipes américaines. 1 balle et 2 prises à Fontaine, personne sur les sentiers. Aucun retrait. Et le tir. Balle a frappé mollement du côté gauche. Ça va être difficile. Mathéo saisit et remet en mouvement le premier. Attends pour le retrait. Quel beau jeu de Daniel Mathéo. Cette balle a été frappée avec peu de force, mais directement sous la ligne du 3e but. Et la balle a arrêté sa course avant le coussin. Donc Mathéo a dû quitter rapidement sa position, saisir la balle pratiquement main nue. Et en mouvement, en pleine course, a remis au premier à Carenza pour le retrait qui s'inscrit 5 et 3. Cédric Vallière va s'amener au bâton. Duel maintenant droitier contre droitier. Vallière dans ce match 0 en 2 avec un amorti sacrifice. A également atteint les sentiers en 5e sur une erreur. Le tir part à l'intérieur, c'est une balle. Quelques gens ont quitté le stade municipal. Tout à l'heure, c'était rempli à pleine capacité. Peut-être une centaine ont quitté présentement. Le tir, voilà une prise sur décision. Et les gens qui ont quitté, bien, écoute, probablement le match, non pas assez fou, puisque, évidemment, le signal ne se rend pas à Québec, mais l'antenne de Chiz 94.3, le nouveau radiodiffuseur des matchs des capitales de Québec. Donc, Chiz est un petit peu comme... notre grand frère, enfin notre frère, c'est fou puisque c'est la radio de l'Université Laval. Et c'est fou, et l'université de la radio, plutôt l'université, la radio de l'Université de Trois-Rivières, voilà. Donc, deux équipes professionnelles qui ont leur match à la radio locale. C'est très intéressant pour des stations de radio universitaire. Surtout pour moi et vous. Ça nous permet de se... côtoyer presque à chaque soir de l'été. Deux balles et une prise. Voilà une deuxième prise sur décision à Vallière. Le tir semblait un petit peu bas. Personne ne prend des tirs du côté de l'enclos de Québec. C'est donc dire que si le match se poursuit en 11e, Racard devrait être de retour. Deux balles et deux prises. Un tir. Balle frappée mollement vers Merchant, ça va être difficile. Saisi, en mouvement, remet vers Carenza. Attends pour le troisième retrait. En voilà un autre très beau jeu défensif des Aigles. Pourquoi j'ai dit un jeu difficile pour réaliser ce retrait 6 et 3? C'est que Merchant a dû aller vers sa droite, vers le troisième but pour saisir la balle, la contourner et par la suite, en mouvement, remettre à Carenza pour le retrait. Et Carenza semble... peut-être être ennuyé par une blessure à la cheville droite puisque le thérapeute Alexandre Leduc est présentement sur le terrain, mais je crois que c'est simplement son lacet qui était détaché ou quelque chose du genre, mais je crois pas parce que Carranza, passez-moi l'expression, mais boite un petit peu présentement. On va être prêt à poursuivre. Deux retraits. Il reste seulement le 9e frappeur, Adam Ehrlich, à retirer pour Leblanc pour s'en sortir avec une demi-manche parfaite. Dans ce match, Ehrlich n'a rien cassé. 0 en 4. Tir de Leblanc rate le coin extérieur. C'est une première balle. Je parlais de Chiz tout à l'heure, mais c'est important de préciser également que tous les matchs de la Ligue CANAM, peu importe s'ils sont disputés où sur l'un des 6 terrains de la Ligue, bien ils sont tous présentés sur le web pendant que la balle est frappée vers Molares au deuxième qui saisit et remet faiblement attend à Carenza au premier pour le troisième retrait. Retrait qui s'inscrit 4 et 3. C'est donc dire qu'on se dirige en 11e manche du côté de Québec avec une égalité de 5 à 5. En vous rappelant que vous écoutez le baseball des Aigles à C'est fou 89.1. La 17e édition de MUTEC se tiendra du 1er au 5 juin et mettra en vedette plus de 100 artistes originaires de 20 pays, dont Function, Dasha Rush, Barak, Aisha Devi, Tim Ecker, Francesco Tristano et Jérémy Gara. Performances musicales et audiovisuelles au Musée d'art contemporain de Montréal, deux soirées club au Métropolis, une scène extérieure gratuite au quartier des spectacles et beaucoup plus. 5 jours de découvertes, d'échanges et d'expériences. Billets et infos sur mutech.org. À l'Université du Québec à Trois-Rivières, il est toujours temps de s'inscrire. Un vaste choix de programmes et de cours est encore ouvert à l'admission dans des domaines variés comme marketing, comptabilité, traduction et plusieurs autres. Vous cherchez des cours en ligne? L'Université du Québec à Trois-Rivières vous en propose près d'une centaine dans divers domaines, dont l'éducation et la biologie médicale. Pour déposer votre demande d'admission dès aujourd'hui ou pour plus de détails, visitez uqtr.ca/toujours-temps ou contactez l'équipe du recrutement étudiant à info@uqtr.ca. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Nous voilà en début de 11e manche du côté de Québec. Depuis la 6e manche, c'est l'égalité 5-5. Les Aigles qui... Il a connu un début de match canon, au ralenti. Les Capitales, eux, c'est le contraire. Un début de match tranquille, un bon milieu de match. Et depuis ça, c'est l'affaire des lanceurs qui connaissent beaucoup de succès. Donc, Raccard sera de retour sur la butte pour notre deuxième match pour les Capitales. Et du côté des Aigles au bâton, on verra Lavallée, Morales et Ruiz. Et comme le veut le règlement, vu que nous sommes en 11e manche, bien... L'équipe au bâton débute avec un coureur au deuxième en position de marquer. Il s'agit du dernier retrait de la manche précédente. C'est donc dire que c'est Carenza, pardon, qui va débuter pour les Aigles au deuxième. Ça devient littéralement un jeu... Enfin, le baseball est un jeu de stratégie et de chiffres au départ, mais encore plus lorsque tu débutes la manche avec un coureur au deuxième. On étire à Lavallée. Veut déposer l'amorti, retire son bâton, mais c'est une prise sur décision. Donc, le premier frappeur, tout repose sur ses épaules. Il doit absolument réussir à déposer l'amorti pour permettre à Carenza d'atteindre le troisième. Le lancer. L'amorti, non, n'est pas déposé. C'est une fausse balle. Et ça se complique. Puisqu'avec deux prises, c'est toujours... risqué de vouloir déposer l'amorti. Est-ce que Lavallée, oui, va être capable de réussir? Ça reste à voir. Temps d'arrêt demandé par le receveur Adam Ehrlich. Et Malo également, le joueur d'arrêt course, se joint à la fête sur la butte. On va être certain du côté de Québec... qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Donc, pause de Raccard. Le tir serrant Lavallée est retiré. Et ça peut faire très mal aux Aigles, puisque... te doit de faire progresser ton coureur qui est au deuxième dans cette 11e manche. Et c'est au tour de Delvis Morales de se présenter au bâton. Quelle sera la stratégie, puisque la stratégie de la multi-sacrifice plus le ballon sacrifice pour s'assurer d'un point, bien là, à ce moment-ci, on doit l'écarter du scénario. La balle qui roule derrière, mais là, on est chanceux du côté des Aigles. Mauvais tir du côté de Raccard, la balle qui passe entre les deux jambes du receveur, et ça permet à Carenza d'atteindre le troisième. Là, on peut un petit peu respirer du côté des Aigles, puisque Morales doit tenter le ballon sacrifice, ou du moins tenter de sortir la balle de l'avant-champ. On est très chanceux du côté des Aigles. Défensive rapprochée du côté de Québec, les quatre joueurs de position, les pinants de gazon. Et le tir, la balle est frappée du côté droit, c'est une fausse balle par Morales. 1 en 4 ce soir pour Morales. Après 3 retraits au bâton consécutifs en début de match, a réussi un simple en 9e. C'est lui qui était installé au 3e et personne n'avait été capable de faire marquer tout à l'heure. Voilà une prise sur Alain. 1 et 2. Jackson Ruiz est au sac d'attente. Là, tu sais, qui touche le sol très, très bien bloqué par Ehrlich. Sinon, Carranza aurait été capable de venir marquer. Deux balles et deux prises. Un retrait. Le lancer. Balle frappée du côté gauche dans les gradins. Est-ce que le partisan a capté? Non. Il avait son gant à tout fait, sauf capter la balle. Les gens qui vont se présenter demain soir au stade à Trois-Rivières, apportez votre gant si vous ne voulez pas être atteint par une balle. Balle frappée du côté droit par Morales et il est incapable de marquer puisque la balle a été frappée directement vers Lennerton au premier. En saisissant la balle, le joueur de premier but a regardé au troisième, s'est assuré que Carranza demeure sur son coussin et a par la suite touché au premier but pour le deuxième retrait. C'est maintenant au tour de Jackson Ruiz de s'amener au bâton. Ruiz, bonne performance ce soir. 3 coups sûrs en 4 avec un amorti sacrifice. Ajoutez à cela un point produit et un but volé. Premier tir trop bas, c'est une balle. Encore accepte. Et le tir. Balle soulevée du côté gauche. Mais la balle va toucher le toit du stade. Et on verra une première prise affichée au tableau. Match terminé du côté de Ottawa. Les Jackals l'emportent 17-1 sur les champions. Ça, pour un match à la maison, c'est inacceptable de s'incliner ainsi. Une défaite de 17-1. C'est tout sauf bon pour fidéliser une clientèle à Ottawa. Mais c'est seulement un match. C'est le baseball, ça se joue à tous les jours et tout peut se produire. Le tir est trop bas. Troisième balle à Ruiz. Très bien jugé cette balle. Trois balles et une prise. Deux retraits. Carranza est au troisième, égalité de 5-5. Nous sommes en début de 11e manche. Cible à l'intérieur. Et le tir. Et la balle est frappée en flèche. Elle va percer l'avant-champ. Elle roule très loin. Carranza croise le membre. Et Ruiz contourne le deuxième. Et va même tenter sa chance vers le troisième. Ce sera inséré. Le relais glisse. Il le sauve. C'est un triple de Jackson Ruiz. Et les Aigles qui prennent les devants 6-5 en cette 11e manche. Quel match de Jackson Ruiz. Définitivement le joueur de cette partie du côté des Aigles. Ah, ce qu'il est rapide et frappe la balle avec aplomb. Wow! Très, très, très impressionnant les débuts de Ruiz avec les Aigles. Deux retraits. Jesus Merchant est maintenant au bâton. Les Aigles doivent en ajouter un point. Ce n'est pas assez puisque les Capitals débuteront eux aussi la fin de 9e manche tout à l'heure avec un coureur au deuxième dès le départ. Règlement du baseball international. Donc la 10e manche, la première manche supplémentaire, on la joue comme à l'habitude. Mais à partir de la 11e manche, là on place un coureur en position de marquer dès le départ. Bien sûr, tout ça pour accélérer le rythme du jeu, puisque sinon, on pourrait passer la nuit entière à se parler. Une balle et une prise. Balle frappée avec aplomb par Merchant du côté gauche, mais cette balle prend une autre trajectoire et dévie dans le territoire de fausse balle, directement au terrain de tennis. Une balle et deux prises à Merchant, deux retraits. Le coup sûr, le triple en fait de Ruiz était le 14e coup sûr des Aigles ce soir. Le tir qui rate à l'extérieur, c'est une deuxième balle, 2-2. Duel droitier contre droitier. Maintient un coup sûr dans ce match. Il est 1 à 5. Il tire les bras. C'est un faible ballon derrière le marbre. Le receveur retire son masque. Il est tout près de l'abri des capitales. Ne peut capter. Aurait pu capter, mais aurait dû étirer son bras puisque la balle a terminé sa course directement dans l'abri de Québec. Je vous rappelle notre prochain rendez-vous sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM demain soir dès 17h55 puisque le match est à 18h05 demain soir à Trois-Rivières. On vous convie à ce troisième reportage de la saison. Le tir qui rate à l'extérieur, troisième balle contre complet à Merchant. Et le quatrième match de cette série vous sera également présenté sur nos ondes dimanche après-midi à compter de 12h55. Le tir qui rate à l'extérieur. Voilà une quatrième balle. But sur balle accordé à Isis Merchant. Merchant a fait sourire puisqu'il court plus vite pour aller au premier but lorsqu'il a un but sur balle que lorsqu'il a un contact avec la balle. Lors du match de demain à Trois-Rivières, si une telle circonstance se produit, vous pourrez le noter de vos propres yeux. Daniel Matteo est au bâton maintenant pour les Aigles. Matteo, dans ce match, est toujours à la recherche d'un premier coup sûr. Non, il est 1 en 4, pardonnez-moi, frappeur un simple en 5 ans. Coureur aux extrémités, deux retraits. Et le tir. Bas et à l'intérieur, c'est une première balle. On a dépassé les 3 heures dans ce duel pendant que Matteo frappe une fausse balle derrière le marbre. Le match qui a débuté aux alentours de 19h20 en raison des cérémonies d'avant-match. Une balle et une prise à Matteo. Cible à l'extérieur. Le tir qui touche le sol très, très bien bloqué par un lèche. Ça fait quelques fois que Rancard envoie des tirs très bas et force son receveur à se transformer en gardien de but. Et je parlais il y a quelques secondes des cérémonies d'avant-match. Très, très bien fait ce soir. Et on a même livré la balle via parachute. C'était assez impressionnant pendant que Matteo frappe la balle du côté droit. Cette balle va percer l'avant-champ du troisième rond et se croise le marbre. Et les Aigles prennent les devants par deux. C'est maintenant 7 à 5. Simple et point produit pour Daniel Matteo sur le jeu. Merchant atteint le deuxième. Et on n'a pas assez très près du côté de Québec de bloquer le jeu. La balle a été frappée entre Vallière au deuxième et le joueur de premier but, Lennerton. Lennerton a plongé, mais la balle a passé sous son corps et roulé jusqu'au champ droit à Marcus Neck. Et ce simple de Matteo fait en sorte que quelques partisans se sont levés, mettent leur manteau et quittent le stade municipal. Premier tir à Gravel, prise sur décision. Donc Gravel, deuxième présence au bâton pour lui ce soir, venu remplacer Steve Brown, utilisé comme frappeur désigné. Probablement blessé. On pourra vous revenir demain avec la réponse. Ce serait là, deuxième prise à Gravel. Et deux points. Oui, on peut dire que c'est beaucoup, mais dans de telles circonstances, ça peut être minime. Voyons voir ce que les capitales vont être capables de faire au bâton tout à l'heure. Le tir qui rate à l'extérieur, c'est une première balle, une et deux. J'ai bien hâte de voir ce qu'on va faire du côté des Aigles. En 11e, est-ce qu'on va redonner la balle à David Leblanc, lui qui était venu en relève de Downing. Le lancer. Balle expédiée au champ centre par Gravel en hauteur, mais Sams, quoi, fait deux pas derrière lui, capte la balle pour le troisième retrait. Chose certaine, les Aigles ont pris les devants. Ils ont marqué deux points sur deux coups sûrs, aucune erreur et deux coureurs ont été laissés sur les buts. Après 10 manches et demi de complétés. Les Aigles mènent 7-5. Rappelant qu'en direct de Québec, vous écoutez le baseball des Aigles à CFOU 89. Venez magasiner à la friperie sportive Access Sport. Vous y trouverez des articles de sport à bas prix pour tous vos loisirs. Articles de vélo, de sport de tout genre, articles de plein air et de camping à des prix vraiment abordables. Ouvert du mardi au samedi, situé au 676 rue Chanteloup, Trois-Rivières. Pour toute autre information, 819-371-0377. Access Sport, la seule friperie sportive en ville. Passez y faire un tour dès maintenant. Samedi 28 mai, 21h30, les Divans Bruns sont de retour aux Innobles pour vous faire danser. Pour une soirée endiablée au rythme de succès bonbons des années 60 à 80, tout ça joué par cinq amis d'enfance de Trois-Rivières, soyez au Zénob ce samedi 28 mai 21h30 pour les Divans Bruns. Le Zénob, 171 rue Bonaventure, Trois-Rivières. Dans ma Camaro, je t'emmènerai sur tous les chemins d'été. Dans ma Camaro, je t'emmènerai à San Francisco. Chaque semaine, Mathieu Plante et Tania Baudin sortent l'artillerie lourde. Actualité, technologie, malbouffe, vocabulaire, plein air, improvisation. Assemblage Reiki, c'est une émission pas mal béton. Pour connaître les heures de diffusion, visitez cfou.ca. Assemblage Reiki, aujourd'hui. Sur les ondes de Cifou 89.1 FM, vous écoutez présentement le baseball des Aigles de Trois-Rivières. Nous voilà en fin de 11e manche. Les Capitales doivent soit marquer deux points pour que le match se poursuive ou encore en marquer trois pour l'emporter. Les Aigles ont marqué deux points en 11e. Les Capitales vont débuter, tout comme les Aigles, avec un coureur au deuxième en raison du règlement international. Et ce joueur sera le numéro 10, Adam Ehrlich, soit le dernier retrait de la manche précédente. Donc, la stratégie est simple. Claudine Malo, mais enfin, elle n'est pas si simple que ça, puisque les Capitales ont un retard de deux points. Donc, l'option amortie plus ballon à sacrifice, bien, elle est possible, mais cela assurerait seulement un point aux Capitales, et ils en ont besoin de deux. Leblanc débute une deuxième manche sur la butte pour les Aigles. On lui fait confiance et c'est pleinement mérité. Leblanc qui, depuis son arrivée en 2013, a parfois été utilisé dans une séquence plus difficile pendant que la balle est frappée vers Matteo. Saisi, remet au premier à temps pour le premier retrait. Donc, c'est le même scénario qu'un amorti sacrifice. Mais au final, Malo est retiré sur un retrait 5 et 3. Et sur la séquence, Ehrlich, lui, atteint troisième. Donc, pour compléter sur Leblanc. En 2013-2014, jamais Leblanc a été employé dans de telles circonstances, soit en manche supplémentaire ou un match très, très, très serré. L'an dernier, parfois, et là, dès le début de la saison, la Forêt lui fait confiance. C'est pleinement mérité dans son cas. Et ça va lui donner certainement de la confiance pour ce début de saison. Ehrlich est au troisième. Le tir de Leblanc, trop haut, c'est une première balle. Scott David est maintenant bâton pour les Capitales. David 0 en 5 ce soir. Duel droitier contre gaucher. Et le tir. Balle frappée du côté gauche et cette balle va dévier en ligne. Contre la clôture, derrière l'enclos des releveurs des Aigles. Donc, tout comme au stade à Trois-Rivières, l'équipe visiteuse est du côté de la ligne du troisième but et l'équipe locale est du côté de la ligne du premier coussin. Une balle et une prise à David. Un retrait. Le lancer. Oh, ça passait très près. C'est une deuxième balle. Les trois joueurs cubains des Capitales, pardonnez-moi, devraient arriver demain aux alentours de 3h30, ça fait 15h30 à l'aéroport de Montréal. Est-ce qu'ils seront en uniforme demain à Trois-Rivières? J'en discutais avec Scalabrini avant le match, le gérant de Québec, et disait, bon, vu que vous avez déplacé votre match à 18h cette année, il ne pense pas, mais si le match, comme les autres années à Trois-Rivières, aurait été présenté un samedi à 19h05, oui, les Cubains auraient été en uniforme, mais avec le changement d'heure que les Indes ont pris cette année, donc les samedis à 18h05, ce serait surprenant de voir les Cubains demain à Trois-Rivières. Vont être ici assurément dimanche pour le match en après-midi. Trois balles et une prise à David. Balle frappée contre le filet protecteur. C'est une deuxième prise. Du côté de Québec, le filet derrière le marbre est très, très, très rigide, contrairement à Trois-Rivières, plutôt mou. Et ici, lorsque la balle touche le filet, bien souvent elle rebondit dans les gradins. Ça fait des très beaux cadeaux pour les partisans. Trois balles et deux prises, un retrait. Situation très importante dans le match. Les Indes mènent par deux, nous sommes en fin de 11e. Et temps d'arrêt demandé par le frappeur David. On va reprendre. Leblanc s'installe sur la butte. Les partisans encouragent le frappeur de Québec. Le tir. La balle est faite, c'est une troisième prise. Sa décision. David, qui avait même lancé son bâton, était déjà en course vers le premier coussin. Mais de ma position, directement derrière le marbre, le tir s'alignait à l'extérieur. Mais au dernier moment, beaucoup d'effet dans cette balle. Elle revient dans le gant de Lafrenz. Et soudainement, les Aigles sont à qu'un seul retrait de signer la victoire. Mais du même coup, les Capitales sont à qu'un seul circuit de créer l'égalité dans ce match. Donc, il ne faut pas s'emporter trop vite du côté des partisans des Aigles. Là, on se rapproche d'une peut-être future conclusion. Marcus Snack est au bâton pour les Capitales. Premier tir de Leblanc. Prise sur décision. Knack dans ce match. Il a frappé un double, c'était en quatrième, donc il est 1 à 4. Son double, c'était contre la clôture, une solide frappe. Le tir serait là, deuxième prise. Leblanc est à une seule prise de fermer les livres et de permettre aux Aigles de demeurer invaincus. Leblanc s'installe, prend bien son temps. Les partisans ici souhaitent que Knack puisse permettre que le match se poursuive. Et le tir rate au coin extérieur. C'est une première balle. Évidemment, avec un compte de 0 et 2, maintenant 1 et 2, Leblanc a le beau jeu. Peut encore se permettre un tir à la limite de la zone des prises pour forcer le frappeur à aller à la pêche. Une balle et deux prises. Leblanc accepte. Le lancer. La balle qui est frappée à travers le monticule. Et cette balle va être saisie par Morales. Remet au premier. Oh non. Il est seul. Oh, c'était très serré. Quel jeu de Morales. Il a couru derrière le deuxième but à l'entrechamp pour bloquer la balle. Il a fait un 180 dans les airs pour remettre au premier. C'était très serré. L'officiel a décidé que le coureur Knack était sauf sur le jeu du troisième. Hurlish croise le marbre. Les Capitales demeurent en vie. Les Aigles mènent maintenant par un seul point. Jordan Leonardton est au bâton pour les Capitales. Le point égalisateur est au premier. Et le point de la victoire est au bâton. Leonardton dans ce match. Un coup sûr en 3. Le tir. Voilà une prise sur décision. Quelle façon de débuter la saison entre les deux équipes dès le deuxième match. Nous voilà en prolongation. L'an dernier, les Aigles sont allés trois fois en manche supplémentaire avec un dossier de une victoire et de deux défaites. Le tir de Leblanc. Voilà une deuxième prise sur décision. Une seule prise, encore une fois, sépare les Aigles de la victoire. Mais un seul coup de bâton sépare les Capitales également de la victoire. Leblanc accepte. Le tir. La balle qui est poussée par-dessus la tête de Morales. Et le Kouachnek va contourner le deuxième et facilement il atteint le troisième. Et les Capitales demeurent en vie avec des courants aux extrémités et deux retraits. Oh! Belle fin de match à Québec. Les Capitales refusent de mourir. Et sont à 90 pieds de crier d'égalité. Et le point de la victoire est au premier. Sortie de l'instructeur des lanceurs de Thomas Rush. Pour l'instant, c'est certain que Leblanc demeure dans la mêlée puisque personne ne prend des tirs dans l'enclos. Et Kalyan Sams va s'amener au bâton. À chaque fois qu'il vient au bâton, je dis qu'il est un frappeur dangereux. Mais il faut avouer que c'est vrai. Ce soir, Sams vient d'un bon match. Il a atteint les sentiers à 4 reprises. 2 fois ce début sur balle. Un double, un simple point marqué. Il est 4 en 5. Après de Scalabrini. Si tu veux voir un joueur au bâton dans une telle circonstance, c'est bel et bien Kalyan Sams. Là, ça peut devenir dangereux pour les Aigles. On va voir de quel bois se chauffe la défensive en ce moment. Tire de Leblanc. Voilà une prise sur décision. Leblanc qui amorce très bien les confrontations. Va chercher des prises. Couvreur aux extrémités, le point égalisateur est au troisième, je le répète. Les Aigles mènent par un en fin de 11e. Et le tir va aller frapper vers le joueur de premier but. Le joueur de deuxième but et le joueur de premier. On a hésité. Finalement, on a eu confusion entre Morales et Carenza. Finalement, personne n'a accueilli cette balle. Elle a ricoché. Et voilà que les Capitales sont à 180 pieds de l'emporter puisque la marque est de 7 à 7 et Kalyan Sams est installé au deuxième. Et plutôt pas Kalyan Sams, mais bien Mark Strack est au deuxième, Sams lui est au premier. Et qui d'autre? Trevor Gretzky est au bâton. Est-ce que Wayne a quitté le stade? Ça, je peux pas vous le dire. Mais il était présent. Premier tir de Leblanc. La balle est frappée. Et... Le baseball des Aigles à ses coups 89. Le vendredi à 11h,